I've seen things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. C'est quoi ce bordel? Put that cookie down! Now! Ok les braves gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute me carefully! La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Ça devient très gênant. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'épisode 9 de On se dit quoi? Il me semble que c'est le 9, vous confirmez tous? Personne n'est au courant, personne n'écoute l'émission surtout. J'accueille avec moi le magnifique Sub. Bonsoir ou bonjour. Bonjour, bonjour, nous avons Didi à la table également. Coucou. Coucou, coucou, et Val. Salut. Salut. On a aussi un magnifique invité, donc un invité. Qui est un jeune et faible tout barbu, et c'est Alex. Bonjour Alex. En effet, c'est pas barbu. Ah, c'est sûr, en général, c'est plutôt... Il n'y a pas trop de parle. Voilà, alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques petits mots, simplement nous expliquer, mais pourquoi t'es là? Je suis Alex, et puis je suis là parce que tu m'as demandé de venir. En effet, et tu fais, en fait, donc, on va parler donc, de premier contact, et la particularité d'Alex, chef qui dit des petites études en rapport. C'est ça, j'ai fait des études de sciences du langage. Wow. Et dans une... En fait, on a une espèce de régie un peu la voix dans Secret Story, c'est qu'on a Abe qui est là avec nous. Et oui, je suis là. Qui a une purée de voix. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de retour de ma propre voix. Abe, si tu peux changer ça, ce serait cool. Et donc, ce soir, on va vous parler de... Oh, merci, c'est mieux. J'aime m'entendre. Le nanisme, c'est ça. Alors, on va vous parler donc du film Premier Contact, donc un film assez génial. Et avant ça, on va tous se faire un petit tour de table pour se parler de nos rôles respectifs. Voilà le facteur. Mais oui, c'est clair. Donc on précise à Alex qu'on a tous à peu près des pseudos autour de la table, sauf moi, donc moi c'est Jonas, tu peux m'appeler Jonas, et pas Charles-Henri, qui est mon pseudo. Donc on va commencer par quelque chose de plutôt sympa, qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout, mais bon, comme on sort toujours les podcasts en retard, c'est un Italien moustachu, il paraît, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le dernier Mario qui est sorti sur Nintendo Switch, Mario Odyssey. Donc tu fais partie des 1% de jeunes riches français qui ont la Switch. Raconte-nous, il y a pas mal de gens qui ont la Switch. Hein. Ben, j'ai vu ma première Switch dans le RER il y a genre 2 semaines, un truc comme j'ai ça. J'ai vu ma première Switch. Il y a pas beaucoup de personnes qui la sortent dans le RER, ouais. C'est surtout ça en fait. Ouais. Parce que mine de rien, le RER c'est quand même un endroit assez dangereux. Les gens n'ont pas trop envie de sortir une console qui a coûté 300€, plus le jeu 400. Attends, de quoi? Quoi? Le jeu coûte 100€? Non, mais... En fait, la console est à 330€. Si on prend Zelda qui coûte 70€, ça fait 400€. Ah ouais, ça fait mal. Surtout si déjà une manette coûte 70€ plus, voire 100€. En fait, une manette, c'est 40€. D'accord. Et simplement qu'en fait, il en faut deux si on veut avoir l'expérience parfaite. Ah, tu peux pas genre, juste te balader avec une manette, en fait? Si, on peut. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, c'est cool. Bon, en fait, globalement, la plupart des jeux fonctionnent avec une seule manette. Sauf Zelda. Mais bon, Zelda c'est un jeu solo et la console est vendue avec 2 manettes de base. Ouais, et puis c'est un peu le Dark Souls du Zelda, donc faut pas déconner, faut avoir 2 manettes quoi. C'est vite dit. C'est vrai. Alors Mario Odyssey, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, Mario Odyssey, pour l'instant en fait, j'ai joué 3-4 heures quasiment maintenant en fait. C'est vraiment un bon jeu. Il est rafraîchissant, même s'il est extrêmement frustrant par rapport à son gameplay parce qu'on ne peut pas courir. Il n'y a pas de bouton pour pouvoir permettre à Mario de courir. Donc c'est juste l'accélération comme quand il était en 2D quoi. Non, justement en 2D on pouvait courir. Et il fallait appuyer sur un bouton. Ça, il fallait appuyer sur le bouton. Non mais je veux dire dans les, par exemple je crois que c'est Mario World 2 où c'était simplement en pressant la touche, au bout d'un moment il courait. Il y avait même une jauge d'accélération. C'est à peu près la même idée. Ah, ok. Sauf qu'il n'y a pas de jauge d'accélération, justement. Et c'est quelque chose de très frustrant sur les moments de plateforme, parce que lorsqu'on a l'habitude de jouer, même les derniers Mario en 3D, on pouvait aussi courir. Et lorsqu'on a l'habitude de pouvoir rapidement passer du stade de marche à course pour pouvoir faire un long saut, et qu'on voit Mario qui se traîne tranquillement et qui tombe dans le vide, c'est parfois... C'est un peu lamentable, ça fait, quoi. Ça fait un peu mal. Mais le problème, c'est la détente sèche, comme tu disais. C'est ça. La détente sèche, c'est quoi ça? C'est-à-dire que, en gros, vu que je l'ai vu jouer, j'ai un peu pris le truc en main aussi, à des moments de plateforme, disons, assez serrés, où t'as une plateforme qui sort et qui va se rentrer, et si tu la chopes pas, tu es dans le vide, finalement. C'est très érotique, tout ce que tu nous racontes, là. C'est à cause de ça. Finalement, en fait, du coup, si... Tu fais un saut alors que t'étais pas en train de courir, t'as pas assez de hauteur slash de vitesse pour aller sur cette plateforme, et donc ça fait que tu rates ta plateforme. Enfin, c'est une galère. C'est vrai que c'est frustrant et c'est énervant sur des trucs un peu cons de se foirer. Et voilà. Mais c'est peut-être parce qu'on est nul, ceci dit. En fait, il y a des techniques pour sauter plus loin, plus rapidement, mais faut vraiment prendre ça en main. Et donc, le dernier en 3D, c'est Mario Galaxy, c'est deux. Ça? Non. Deux. Non. Le dernier en 3D, je te rappelle qu'on y a joué ensemble. Ah oui, ensemble. Mario 3D World. C'est d'accord. Super Mario 3D World, qui est un très, très, très bon jeu. Et là, complètement sous-estimé, malheureusement. T'en es plutôt au début du jeu, c'est ça? Oui, complètement. Ok, d'accord. Donc, pour l'instant, tes retours sont... Positifs. Positifs, ok. Didi, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose ou t'as toujours pas trouvé? Si. Je vais juste parler vite fait. Il y a pas longtemps, je suis allée avec Sub et Val voir Thor 3, Ragnarok. Ah yes, paraît qu'il est ouf. Et j'ai pas du tout aimé le Thor 1, le Thor 2. Alors attendez, juste... Il n'y a pas de spoil, c'est pas de spoil. Je montre à l'image, Alex a enlevé son casque tout doucement et a mis ses doigts dans son oreille. C'est pas de spoil. Alors en fait, moi j'avais pas été fan du 1, le 2 j'avais non plus... En fait, j'étais majoritairement déçue de Thor, qui est un... De la personne de Thor ou du film? Des films. Franchement, il m'a déçu. Je sais pas. Franchement, les films, ils m'ont... Ah, c'est un truc particulier, en fait. Faut y accrocher ou... Ouais, non, mais alors j'adore tout ce qui est mythologie celtique et tout ça. Et là, je sais pas. Bluff. J'étais bluff. Bluff. J'aime bien ce mot descriptif. Bluff. Mais c'est peut-être justement parce que c'est pas un film scandinave de mythologie, quoi. C'est un film de science-fiction, en fait. Il y a des vaisseaux, il y a... Non, mais attends, tu peux arrêter de spoiler, s'il te plaît. Et je voulais juste dire... Ah mais non, mais j'ai pas vu le dernier, moi. Je parle de... Même dans le 1, ça se passe dans les étoiles et tout le bordel. Ah oui. Le début du 1, effectivement. Même dans Avengers, il y a des vaisseaux et tout. Gardien de la galaxie, voilà. Non, mais c'était juste pour dire que je suis allée voir au cinéma. Alex me regarde effrayée. Je suis allée au cinéma sans de grandes attentes et finalement, j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est super. Il était super. Pour moi, c'est un des meilleurs films Marvel actuellement. Voilà. Je suis assez d'accord. Un film Marvel ou genre film, les deux franchement. Le film Marvel, il faut toujours les considérer les comme deux Thor d'avant, en fait, ils n'existent pas. Je suis pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Si tu fais la comparaison avec celui-là. Non, je comprends. Je comprends que en termes de qualité objective. Il y a une petite coupure ou. Non, c'est une petite coupure. Tout est revenu. Terence. Abe, pardon, il s'appelle pas du tout. Abe, tout est normal? Oui, tout est normal. Ah, merci. Je pense qu'on a parlé de Thor, il y a une espèce de coup électrique. J'avoue. Mais est-ce que tu fais pas plutôt Val référence à l'acteur torse nu dans le 1? Alors je ne suis pas du tout corrompue par l'effet de son corps et de ses cheveux qui du coup agit sur ma personne en tant que femme. Mais s'il faudrait du coup expliquer ça. Non, réellement en fait je trouve. Alors que... je précise que son brawl c'est ça hein, après. Alors comment ne pas mouiller sa culotte devant Thor Ragnarok en 3 étapes? Regardez Hulk. Non, finalement, vraiment le 1 et le 2, je l'ai trouvé pas mal. Et le 3, objectivement, c'est vrai qu'en termes de réal, ils ont vraiment un niveau au-dessus. C'est assez drôle. Ils ont changé de réalisateur. Il y a une patte de réalisateur dessus. C'est voilà, ça. C'est tout. Ah. Voilà, c'est ça. Et puis, il paraît qu'il est drôle, surtout. Ah oui, oui. Mais comme tous les Marvel dans l'absolu. Non, il est plus drôle que les autres. Là, il s'apparente un peu au Gardien de la Galaxie, oui. Niveau humour. Il avait des ergues Gardien de la Galaxie. Alex, tu voulais nous dire quoi? Tu t'es avancé tout doucement vers le micro. Non, je disais que ça me faisait penser durant le Captain America Civil War où il y avait la team Captain, la team Iron Man et ils avaient fait des petits courts-métrages avec la team Thor où il avait récupéré Banner et où ils faisaient les kékés. Mais il y a d'autres aussi courts-métrages où t'avais donc l'acteur qui joue Thor, je sais absolument pas comment il s'appelle. Qui, Chris Hemsworth. Voilà, qui était en vacances et tout et suivait son colloque et c'est très drôle. Je vous recommande d'aller le voir. Écoute, Alex, je t'en prie, si tu veux nous parler de quelque chose, Moi, j'avais rien préparé. T'as encore quelques minutes, tu peux parler de tout ce que tu veux, tu sais, mais en attendant, c'est Val qui va nous parler de... des abdos de Chris. Non, j'ai décidé que j'allais parler du nouvel album d'Orelsan qui est sorti il y a quelques jours, slash une semaine, je ne sais plus, qui s'appelle... À peu près une semaine, ouais. Qui s'appelle La Fête est finie, troisième album. Première écoute, un peu déçue. Je sais pas pourquoi, parce que les sonorités en fait ont vachement changé par rapport au second album, Le Chant des Sirènes, qui était quand même, qui envoyait une sacrée claque, surtout Raelsan. Et en fait, vraiment après la première écoute, j'avais une sensation un petit peu de déception, et après j'ai appris à apprécier certains morceaux, donc une mention spéciale à Note pour trop tard, Tout va bien, Des fêtes de famille qui sont sublimes. Oh, Des fêtes de famille, il est fou lui, c'est ce morceau-là. Il est génial. Il est génial. Ce qui m'a manqué, je pense, à la première écoute, c'est qu'en fait l'album, comme on dit beaucoup de gens, est très mélancolique. Il est très calme et pour moi, il manque un peu de punch, parce qu'on sent que c'est ce qu'il dit en interview, c'est un Orelsan qui a voulu dire des choses positives. Ah, j'ai entendu aussi un interview en fait dans Boomerang sur France Inter où il disait qu'il aurait pu faire un album complet de chansons tristes, mais il s'est dit bon allez, je vais quand même en foutre 2-3 sympas. Mais je trouve qu'il a échoué dans le fait de faire un album positif. Quand il dit j'ai fait un album positif, moi je trouve, j'ai du mal à le croire en fait, si c'est ça sa positivité. Personnellement, je le citerai lui-même, il veut être positif, comme le dépistage de Freddie Mercury. Voilà. Je pense qu'on est à peu près sur ce niveau de positivité dans l'album. C'est pas parce que c'est triste que c'est forcément négatif. En effet, oui, bien sûr. C'est vrai, la mort d'un chat, le... Oh, lol. Mais il disait, Bonne Meuf, pour lui, c'était une chanson positive, finalement. Quand est-ce que ça s'arrête? C'était une chanson à peu près positive. Voilà. Sinon, je sais que tu as écouté également l'album Jeunesse, qu'est-ce que tu as pensé de Christophe? Willem? Ouais. Non, May en l'occurrence. May. Pourquoi? Alors, je l'ai peut-être pas écouté en entier. Je l'assume complètement. Je l'ai écouté en entier. Je l'ai écouté au taf, donc c'était un peu compliqué. Moi, ce qui m'a beaucoup, surtout, fait kiffer, c'est la pluie. Déjà parce qu'il y a. Il fait beau. C'est parce qu'il y a Stromae. Il fait beau. Déjà parce qu'il y a Stromae, en effet. Ouais. Et que la pluie, en tant que Belge, moi, j'aime bien. Je connais bien. Tu peux dire, en tant que Français aussi, hein, ça marche, hein, Paris, la pluie. En tant que Breton. Ouais, mais bon, là, on va dire qu'en Belgique, il y a une certaine. C'est pas qu'il pleut tout le temps. C'est juste qu'il va dracher H24, quoi. Il va dracher souvent, quoi. Donc, avoir des toutes petites pluies qui vont te casser les couilles, et puis après, il va faire beau, et puis après, il va y avoir des giboulées, puis il va neiger, puis après, Sarah. Tu comprends rien, la météo belge. Mais Stromae, j'étais des. Un peu tristoun de l'entendre à peine sur le refrain, mais ça faisait plaisir de l'entendre. Donc c'est vrai que c'était une bonne surprise. Personnellement, ça fait partie des deux chansons que je zappe à chaque fois. Ah, mince. Ouais. Bon, mais moi, je l'aime bien quand même. Parce que je supporte pas l'introversion de Stromae, en fait. C'est vrai Tia, tu n'es pas. Tu fais beau. Tu fais beau. Attends, vas-y, mets-le. Dans les rues du centre-ville, mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait toujours pas, il fait pas, non. Il fait pas, il fait pas, chez moi il fait pas, il fait pas, il fait pas, il fait pas. La beauté. Ah ouais. Non mais le beau, je ne peux pas. Tout le reste de la chanson en fait ça passe, mais le il fait beau. Je sais pas, ça se vit. J'aime bien. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Faut que je l'écoute en entière parce que là je suis plutôt de l'avis de sub. Hein. Ah non, je comprends, mais à la première écoute, j'avoue que j'étais pareil que lui. C'est beau. Quand tu veux, Stromae, la seule intervention de Stromae, c'est ça en fait. Il fait le refrain, il dit que ça. Ouais, mais il a composé la musique. Je pense qu'il a bien produit aussi des trucs. Hein. Complètement. Mais la seule chanson qui m'est déçue de l'album, alors qu'elle fait plutôt l'unanimité sur la planète Twitter... Je pense qu'il y a quelqu'un qui mange des chips, mais je ne sais pas qui. c'est Zone, le featuring donc avec Nekfeu, mais c'est peut-être parce que je suis pas fan... Pas la seule à être déçue, j'ai vu aussi des retours qui disaient « on a attendu ce truc pendant très longtemps et c'était nul ». Je sais pas, vraiment, j'ai vraiment pas accroché à ce titre-là où je reconnais pas Orelsan et où je trouve que c'est un espèce de globi-boulga un peu... Je sais pas. Bien que la première rime soit très drôle. Et pourtant, Dizzy Rascal, c'est un putain de rappeur anglais super connu là-bas. Bah ouais, mais ce qu'il raconte dans son couplet est plutôt sympa, mais je vous invite plutôt à l'écouter pour comprendre. D'accord. Voilà, je laisse le suspense. Toujours en mission, j'ai rien fait par rapport à mes ambitions. Je veux faire mal, faire un truc viral. En gros, je veux faire comme les mecs qui ont inventé le sida. Je veux plus jamais faire les mêmes erreurs. Hanté par le passé, pressé d'avoir Alzheimer. Avant, j'étais mauvais, sky dans les gobelets. Une demi-bouteille avant d'aller bosser. Toutes ces connasses à mes côtés. Terroriste sexuel, elle veut juste se faire sauter. Ta vie, c'est de la merde, à qui la faute. Je pense que c'est plutôt ce genre de passage que t'aimes bien. Mais elle, vraiment celle qui a. Et conquis. C'est positif alors. Ah non, celle-là. Dans la positivité là, dans son album. Ouais. Attends, c'est la raison joyeux. Pour laquelle non, je me sens joyeux, je sens l'esprit de Noël qui arrive. Faire voilà. Écouter, tout en fait, va bien. On va passer à Paradis. Paradis, c'est le rayon de soleil de l'album. C'est, non mais quand il dit il fait beau en Normandie, ça nous rend joyeux en fait. Paradis, c'est la première chanson d'amour d'Orelsan et c'est beau. Pour le coup, comme il le dit au début de l'album, il fera des chansons d'amour qui pousseront les célibataires au suicide. Voilà. Oh merde. Voilà. Cette chanson, je suis d'accord. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne. Ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Tu serais là si je repartais à zéro. À me rappeler les vraies choses, à calmer mes névroses. J'avais un petit diable sur mon épaule. Maintenant j'ai ta tête sur mon épaule. Donc là, on passe des extrêmes, on vous invite à l'écouter. Hein. Mais moi, j'ai juste un truc à partager, c'est que la première fois que j'ai écouté Orelsan... c'était pas une très bonne expérience, puisque c'était le clip où ultra violent... avec... Ça pute. Voilà. Et du coup, j'ai pas trop compris le délire. Et pendant longtemps, j'ai pas du tout accroché... Enfin, j'ai jamais été intéressé par l'artiste... Parce que ça m'intéressait pas du tout, ça m'attirait pas, et surtout avec ce premier contact. Joli, joli, bien, ça, bien. Joli. T'aurais dû faire une transition. Hein. Voilà, et c'est parti, tout de suite la bande annonce. Et non, mais je suis d'accord dans l'absolu parce que c'est vrai que c'est ce qui a fait réagir beaucoup de gens, mais une fois que t'as compris que bonjour, je suis un rappeur, je fais une chanson où je fais un personnage qui a été trompé, qui a la haine et qui vient de le découvrir et qui exprime ses sentiments sur ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il a gagné son procès, c'est que, voilà, c'est le côté fictif. Moi, je confirme, lorsqu'on a été trompé, on ressent exactement ce qu'il a dit dans la chanson. Après, on peut dire exactement la même chose des vapeurs, des rappeurs que, voilà, je pourrais dire la même chose, des rappeurs genre Booba, Caris, Damso, ce genre de choses. Non, mais je leur donne pas le même crédit. On a dit rappeur, Valentine. J'ai eu la grimace de Ah non, mais... je sais pas, hommes qui rappent, qui font des choses, je sais pas. J'arriverai pas à les excuser de la même façon que j'excuse Orelsan sur ce titre. Donc c'est bizarre. Ou voilà. Ou le titre comme Saint-Valentin. Je sais pas, je suis perdue. Voilà. D'accord. Mais sur ces beaux mots, il y a des fêtes de famille. On va quand même vous passer un passage. On est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy. J'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triseau. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? C'est violent, hein. Ça sort pas direct. Sale. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est peut-être. Enfin, j'ai bien aimé le coup de com' qu'il a fait en fait dernièrement avec ce clip qui met les bases. Vraiment, et je pense quand même que je vais largement, tu vois, préférer Stromae sur un peu le même thème, où il va faire des chansons qui vont mettre un peu de l'ambiance sur des thèmes super trash et super tristes. Parce que Stromae, c'est un maestro. Donc vraiment, c'est... Bon, perso, j'ai bien aimé cet album. Et même si j'ai pas encore tout écouté, mais... vraiment pas mal. Abe, est-ce que tu nous entends? Parce que ouais, il est dans une autre pièce, hein. C'est juste qu'il fait la régie. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, un petit brol ou quoi? Non, j'ai pas du tout préparé. La surprise. Didier, est-ce que tu as pensé à quelque chose? Ah oui, tu nous l'as dit, pardon. C'est Alex qui avait le temps un peu de réfléchir. Et est-ce que... Non, toujours pas, il me fait non des yeux, s'il te plaît, me parle pas. On sent le désespoir. Voilà. La panique. Je pense qu'on va faire un petit truc en commun quand même avec Abe. C'est parler de Star Citizen et de la Citizen Con qui a eu lieu hier, à l'heure où on enregistre. Qui est sympa. Donc, Abe, tu peux juste nous dire ce que c'est un peu. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'hélico, dans la carte au trésor. Abe, dis-nous ce que c'est. C'est quoi Star Citizen? Alors, Star Citizen, donc, c'est un jeu vidéo sur PC. Exclusivement, oui. Exclusivement PC, oui. Et qui, en fait, c'est un. Je ne sais plus le nom, en fait, les jeux. En monde ouvert? Non, ils sont pas encore finis, mais on paye une bêta pour, une alpha. Ah oui, bêta alpha. C'est en alpha, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, le jeu est en cours de développement et on peut y jouer déjà dans des versions bêta, quoi. Voilà. Et en clair, c'est un space sim, donc un simulateur de vie dans l'espace avec des vaisseaux et tout et tout. Et ce qu'il y a de fou, c'est que c'est le plus gros projet. Je pense de jeux vidéo du moment, en tout cas ça va être le un des plus gros budgets, le plus gros Kickstarter, voilà, j'ai du mal, Kickstarter, donc là je pense qu'il actuellement, je sais pas si ce qu'il a dépassé, mais bon, en tout cas il a atteint les plus de 100 millions de dollars de backing. Voilà, ça fait quand même un peu d'argent et ça leur permet de faire un monde ouvert gigantesque avec des vaisseaux partout, des planètes et un peu comme à la No Man's Sky sauf en bien, puisque non mais clairement parce que ils vont utiliser, tu vois, le procédural, donc la technologie qui permet de créer aléatoirement des objets virtuels, ouais. Mais ils vont le diriger, donc la planète, ils vont la travailler avec le procédural. C'est sûr que, tu vois, la planète, elle fait la taille, t'as une planète qui fait la taille de la Lune par exemple, mais ils peuvent pas la travailler à la main tout, ils vont vraiment faire un peu l'aspect qu'elle va avoir et tout, et tu retrouves donc vraiment des lunes sans atmosphère, des trucs gelés, des planètes de désert, et c'est la 3.0 qui va sortir dans pas très longtemps. Abe et moi, on l'attend avec impatience. Ah oui, c'est clair. On s'amuse beaucoup, même sur ce qui est déjà sorti, parce que tu peux vraiment, t'as ton petit bonhomme, tu peux aller dans un vaisseau, tu peux quitter, enfin, faire de, je sais pas, 100 millions de kilomètres, tu peux le parcourir en quelques secondes et aller sur un petit astéroïde, te poser et faire plein de conneries, en fait. Il y a vraiment, il y a pas de but en soi, tu peux créer ce que tu as. Est-ce que c'est bien le jeu, en fait, où il y a certains vaisseaux qui se commandent à 12, quelque chose comme ça, non? Exactement, ouais. Donc, c'est aussi un truc de passionné, puisqu'il faut... je pense, un bon gros investissement pour arriver à ce genre de truc. Mais en effet, Abe et moi, notre grande ma grande passion, c'est de voler des vaisseaux. Parce qu'en fait, chaque vaisseau est à deux vaisseaux de base, on va dire. Ça, c'est un truc un peu reprochable au jeu, c'est que pour l'instant, en fait, tous les vaisseaux que tu pourras acheter dans le jeu fini sont payants, en fait. Et tu as des vaisseaux qui atteignent 3000 euros, en fait, par exemple. Ça c'est une flotte. 3000, j'exagère, mais t'as des vaisseaux qui atteignent facilement les 800 euros à l'achat. Et autant dire que t'as envie d'en profiter à ce prix-là. Et du coup, les volets, ça permet de pas payer et de rigoler avec Et donc, oui, t'as un vaisseau, par exemple, KIB en a piqué, qui fait la taille d'un immeuble, clairement. Et il faut, genre, plusieurs minutes pour traverser le vaisseau de part en part. Et tu peux t'amuser avec ça. Et Abe peut témoigner, on s'est tapé des bons gros délires. Ah oui, c'était vraiment excellent, franchement. Non, tu veux dire qu'un mec peut lâcher 800 balles pour s'acheter un vaisseau et se le faire tirer une heure après? Ouais, et il l'a plus du tout. Non, je déconne. Non, ouais, ouais. Et puis, il a le droit dessus. Ça veut dire que le mec, dès qu'il veut reprendre son vaisseau, ça nous gère en fait automatiquement, quoi. Quelle déception. Là, mais en tout cas, c'est très marrant. Et tu te mets la musique d'Interstellar en même temps. Ah, et ça chie des bulles. C'est super cool. Et En parlant d'Interstellar, ouais. Justement. Oula. Ça me fait juste penser en fait à Arrival, en fait. Pardon ? Premier contact. Ah, j'ai compris. Arrival. Ah, j'ai compris. Haribo. Ah, pareil. On me dit quoi, la pub avec la pieuvre là ? Mais fais gaffe au spoil d'Interstellar, je l'ai pas vu. Parce que la pieuvre à la fin, franchement, quand elle balance les bonbons, j'étais surpris dans le film. Donc Star Citizen, ils font des annonces pour montrer l'évolution du jeu. Et dernièrement, on attendait la CitizenCon, un peu comme la BlizzardCon. C'est-à-dire que le jeu n'est pas sorti, ouais. Mais ils ont une communauté. Un salon. C'est oui. Ça, c'est un salon dédié à leur jeu, pas sorti encore. Minecraft n'est toujours pas sorti. Hein. Et t'as vu, il y a des Minecon. Ouais, mais tu vois. C'est un peu la même chose, parce que c'est un univers gigantesque où tu crées ton d'accord. propre but. Ah, je figure mieux, d'accord. Et donc, oui, c'est un peu. En comparaison, il y a un peu l'effet Minecraft, on va dire. D'accord. Mais pour adultes. On va dire. Oh, mais c'est quoi ce clash permanent aujourd'hui? Mais non, c'est parce que le Minecraft, ça touche. Il y a une espèce de phénomène auprès des enfants, oui, c'est ça que je veux dire en fait. Et là, c'est un peu un phénomène auprès des adultes qui attendent depuis des. Les Minecraftiens de plus de 20 ans te détestent actuellement. Non, mais je joue à Minecraft aussi, j'adore ça. Didi peut témoigner qu'elle elle a passé une soirée de bonheur à creuser. Voilà, super. La joie de vivre, chapitre 10. J'ai passé genre vraiment une journée à faire le nain. Je déteste les nains. T'as un problème avec les nains? Ouais, t'as un problème avec les nains? Je les déteste. Et on passait la chanson Mining. Voilà. Je voyais pas l'intérêt, mais ils étaient tous sur ce jeu. Je vais creuser mon trou. Dis-toi qu'ensuite ils vont découvrir Terraria. Ah non, c'est mort. J'ai un truc avec la 2D, c'est que j'aime pas ça. Voilà. Désolé. Ah, mais s'il te plaît, t'aimes Minecraft, c'est des cubes. Oui, ouais, mais ils sont en 3D. Hein. Du coup, ça passe. C'est des cubes. Abe, la défense à la barre. Non, je suis désolée. On est arrivé au point d'avoir Horizon Zero Dawn et tu me fais jouer à Minecraft. Des cubes. Non, mais c'est l'esprit qui compte dans Minecraft. Voilà. C'est la liberté un peu, tu vois. T'as aucune frontière, quoi. Voilà. Bouillard! Zero Dawn, t'as des temps de chargement toutes les 2 minutes. Hey. Non, t'en as un au tout début, mais après ça va. Ah. Et en fait, en revenant justement dans la. Comment dire, le truc procédural. Pardon. Ça, c'est marrant, je voulais en parler plus du procédural. Ouais, dis-nous. Ben, c'est un peu que le même principe dans Minecraft. En fait, les cartes sont générées aléatoirement, mais sauvegardées après. De quoi tu parles? Sur Star Citizen? Bah oui, ça va être un peu la même chose en gros. Non, mais comme je disais, ils utilisent le procédural au début, mais, oui, après ils créent les planètes. Après. Voilà, voilà. Ouais, c'est ce qui se passe dans Minecraft quand t'avances. En fait, tu m'as pas écouté du tout. Mais si. Tu l'as expliqué. Mais juste, vous avez joué à No Man's Sky du coup? Non. Du tout? Bah non, mais je vais pas acheter un jeu. C'est juste, vous avez joué. Au début, j'attends qu'il soit mis à jour, qu'ils ajoutent tout ce qu'ils nous ont promis, notamment le multijoueur, c'est tout ce que j'attends. D'accord. C'est-à-dire vous avez eu les mauvais retours et du coup vous n'avez pas essayé. Disons que j'avais déjà acheté Star Citizen alors que No Man's Sky était toujours pas sorti et d'accord. Je ne précommande pas les jeux donc je me suis pas fait avoir, on va dire. Voilà, pour finir avec la CitizenCon, c'est qu'ils ont montré en fait les premières images des villes. Dans le jeu. Et vous voyez Coruscant dans Star Wars, ville, la planète ville. Il y a les deux hommes qui sont avancés vers la Terre. Il y a pas de R à la fin, c'est Coruscant. Oh putain. Le monde a changé. Okay. Oui, mais dans l'épisode 3 de la commensuration des meurtres, eh ben, il y a un Jedi qui dit que non. Et là, il fait on va faire un truc où on sera en marche et tout, et ce sera avec un R. Ouais, voilà. Bref. Donc, sinon. Ouais. bah, vous voyez, la ville de Star Wars, eh ben, il y a. C'est très impressionnant, ça revient à avoir ça, c'est-à-dire que t'as une ville gigantesque dans laquelle tu peux te balader dans quelques endroits peuplés. Leur but à terme, c'est de mettre du monde partout, mais bon, je sais pas comment ils vont faire. Et c'est très impressionnant parce que tu peux t'envoler, aller dans l'espace, te mettre sur une petite station, et tu vois réellement la planète remplie d'une immense ville sur laquelle tu peux aller, réellement, et c'est très très impressionnant. Ils sont allés dans plusieurs villes, notamment dans une autre qui ressemblait clairement, c'était Blade Runner en jeu, quoi. C'était très très chouette à voir aussi, et ça donne envie, et ça sort toujours pas, bordel. Ouais, d'ailleurs, t'as une estimation de quand ça va arriver, tout ça? Bah, on va dire que, moi je me base un peu, tu vois, par exemple, sur Rockstar et GTA, puisque c'est quand même un jeu où il y a à peu près, on va dire, les mêmes trucs, les mêmes principes, c'est qu'il y a des véhicules, il y a des lignes de dialogue, il y a un monde vivant qu'il faut faire vivre. Et puis bon, je connais pas non plus beaucoup de jeux qui ont la même masse que GTA V, par exemple, qui est juste gigantesque, pas forcément en termes de taille de map, mais en termes de détails, quand tu vois qu'il y a des... Oui, mais est-ce que sur Zelda, il y a des véhicules, des chaînes de télévision, des radios animées par des centaines de personnes, des lignes, il y a des milliers et des milliers. Il y a des dragons. Mais il y a des milliers et des milliers de pages. J'ai vu, ouais, le dragon. C'est un dragon comme ça. Il y a des milliers et des milliers de pages de scripts dans des centaines de langues, puisqu'il y a des Coréens, des Chinois, des Indiens, il y a des gens qui parlent arabe, anglais, espagnol. Et oui, il y a tous les quartiers de Los Angeles et tout. Et donc, bref, tout ça pour dire que ça met à peu près 6 ans à se faire, on va dire, et que la Star Citizen, je crois que ça fait plus de 4 ans à peu près qu'ils sont... On va dire en développement, parce qu'avant, ils devaient quand même récolter l'argent, là, avant. Mais ils ont plus grosses ambitions, quand même. C'est le moment où je dis... Ouais, déjà, j'ai plus grosses ambitions. À terme, certainement. C'est le moment où je dis, oui, effectivement, GTA, ça a pris 6 ans, mais GTA, c'est voilà. Quand même une formule qui est bien rodée, à la base. Ils ont eu 5 jeux pour... Ils ont mis 12 ans à le faire, hein. C'est pas la même chose, là ça s'appelle un gros problème de production. C'était pas la peine de mettre 12 ans pour le faire finalement. Exactement. C'est parce que déjà il a pas été. Enfin voilà, c'est plusieurs équipes, ça a été le bordel, ça s'appelle. Mais oui, et puis sur GTA, je pense qu'ils ont pas. Ils ont des moyens un peu plus massifs, et des gens, beaucoup beaucoup de gens aussi. Mais là, ça commence à bien se développer pour donc Star Citizen. Et ça donne très très envie. Et justement, tu parlais de Star Wars, Alex. Il y a un truc qui fait extrêmement plaisir dans Star Citizen, c'est que c'est très cohérent, en fait. Quand tu vois, par exemple, un vaisseau passer, bah, tu sais que ce vaisseau, tu peux le piloter, il existe dans l'univers dans lequel tu évolues. Et c'est super agréable de voir ça dans un jeu. Disons que, par exemple, dans Mass Effect, où vraiment c'est super cool, tu peux pas piloter de vaisseau, c'est impossible. Et c'est très frustrant, et c'est pour ça que tu te dis que, bon... faisait un Star Citizen effect, ça serait super cool. C'est le côté tout est tangible et tout est possible et tout ce que je vois, je peux le manipuler. Exactement. Et là, t'as une sensation de vertige de « Waouh, c'est trop cool !» Mais c'est pas sorti. c'est très, très bizarre. C'est un peu... Voilà, on parlait d'onanisme. C'est... Tu te branles sur un trailer et après tu fais « Oh merde !» Ça, là, t'as la dépression post-coïtale de Star Citizen. La dépression post-coïtale. Ouais, mais ça existe. Magique. Abe, tu confirmes? Yes. Tu vois, j'avais raison. Oui, bah oui, écoute. Ben, un truc qui va nous faire plaisir, peut-être pas jusqu'au coït, mais qui va nous faire plaisir... C'est Dan Kroll et on va écouter ça tout de suite. Every now and then I fall. Every now and then I lose control. Et nous avons écouté donc From Nowhere, la chanson, je pense, que je préfère, de Dan Kroll. Dan Kroll, je pense que vous le connaissez sûrement pour, en fait, cette chanson-là, mais remixée pour GTA. Elle est dans les radios de GTA. Je pense que, Abe, tu la connais? Il y a un temps de latence. Oui, Houston, désolé. Houston. Oui, bien sûr que je la connais. Houston, yes. thank you, Houston. sorry. Ok, ben en fait, donc Dan Kroll, il s'appelle Daniel Francis Kroll. Et en belge, c'est marrant parce que Kroll, c'est les boucles dans les cheveux. Du coup, c'est rigolo. et il est pas si, il est plus jeune que Sub, par exemple. Il est né en 1990 pour les bilingues. Et c'est un anglais, alors déjà c'est un puntos d'être anglais. Et puis bah, c'est sympa, vous avez bien aimé Tour de table, Didi première? Oui, j'aime bien, mais je connaissais déjà l'original, celle de GTA. J'ai non, mais là c'est l'original. Hein. Tu me laisses finir, j'ai dit. Celle de GTA, j'ai jamais écouté. C'est ça, prendre un CP, j'ai un petit coup de pression. Excusez-moi, madame. Non, mais si, oui, j'aime bien. C'est relaxant, ça me détend. Je peux faire un autre truc en même temps, c'est pas mal. Comme de l'onanisme. Ça va revenir, ça. Voilà, ça va revenir, oui. Bah oui, il y a un album dernièrement qu'il a sorti qui s'appelle Everything. Alors, non, c'est Emerging Adulthood. Un peu, genre, donc... vous pouvez traduire? Attention. Répète, s'il te plaît. Emerging Adulthood. Sortir de... Rentrer dans l'âge adulte, en fait, c'est devenir adulte. Emerging. Ouais, c'est à peu près devenir ça. Devenir adulte, ouais, c'est la bonne trad. Emerging adulthood. Ouais, c'est ça, c'est devenir adulte. Prendre de la maturité. Et donc, t'as ce genre de chansons comme Away From Today. Et bah, c'est un dernier album très chouette. Donc, pour un artiste solo, moi j'ai toujours l'impression qu'il est dans un groupe avec toujours. Quelque chose de très concret à chaque fois, et c'est vraiment très chouette. Abe, quelque chose à nous dire sur la qualité sonore et tout, Houston, Abe? Non, pas particulièrement. C'est vraiment trop chelou que tu sois pas dans la même pièce que nous. Hein. Ouais, mais au moins je contrôle mieux le son d'ici. On dirait, vous avez pas l'impression d'être dans Saw, où il y a le mec qui nous contrôle depuis une autre salle? Vaut mieux être dans Saw que dans Secret Story. Hein. Je préfère être dans Secret Story. Ouais, plus facile à manipuler. Ouais, parce que le piège à ours inversé, là tu t'en sors pas facilement. Je préfère être chez moi. Bon, je préfère être dans la piscine avec Cindy qu'avec le piège à ours. Ah non, j'aime bien le pénétrator. Celui-là, je l'aime bien. What? C'est dans Scary Movie 3 ou 4, je sais plus. Ils ont pris le principe de Saw, mais c'est genre. Un énorme... God Miché, finalement. Voilà, qui va dans le... Dans le rectum, finalement. D'accord, oui, d'accord. Mais j'essayais d'être poli. Alors, bah, donc, Dan Kroll, je ne sais pas si on a quelque chose d'autre à dire sur lui, à part que bah, il est beau. Moi, j'aime beaucoup sa coiffure de cheveux, et je me suis un peu inspiré de lui. Non, mais sincèrement, hein, franchement, il est stylé. On ne sait pas, on ne l'a jamais vu. Mais écoutez, regardez-le. Regardez-le, et en plus, juste pour te dire, Didi, il a fait quand même la première partie d'Imagine Dragons plusieurs fois. Donc, ça devrait en toucher une. Non. Non, mais j'ai pas pu m'acheter les billets, alors ne parle pas d'Imagine Dragons. C'est un traumatisme récent. Voilà. Pendant que moi j'y étais, en fait, justement, je m'accueillais à la sortie en larmes, je m'en souviens. Sous la pluie. Oui. Alors que moi, je vais aller voir Gorillaz dans un mois. Oh voilà. Donc, on va passer à notre sujet. Il y avait une vente il n'y a pas longtemps d'Imagine Dragon. Et ils avaient renouvelé en plus une date. Mais too late. Ouais. Too bad, surtout, ouais. Alors, on va donc passer à notre sujet principal. Et je vais demander à Alex de nous résumer Premier Contact. Okay. Attention, roulement de tambour, c'est un exercice plutôt compliqué, vas-y je t'en prie. En résumé sérieux ou résumé très court? Résumé sérieux. Avec spoiler ou sans spoiler? Alors oui, pardon, je l'explique encore une fois aux auditeurs et Alex, nouveau venu, c'est que nous allons faire donc une zone safe, sans spoil, On passe une petite chanson et ensuite on peut spoiler à volonté. Donc pour la première partie, en fait, c'est beaucoup plus basique tous les avis qu'on va avoir et ensuite simple. On pourra analyser. Basique, simple, basique. Et donc là, en fait, tu peux faire un résumé sans spoiler, mais tu peux nous donner envie. Voilà. J'aime beaucoup les plans à chaque fois que je finis une phrase avec Alex. Vas-y, vas-y, vas-y, attention, c'est difficile. Bah, du coup, résumé sans spoiler. C'est l'histoire de donc c'est Amy Adams qui joue une scientifique. Il me semble, c'est... Non, c'est pas une scientifique. C'est... Pardon ? Elle joue une linguiste. Une linguiste, voilà. C'est Œil de Faucon qui joue le scientifique. Œil de Faucon, c'est Hawkeye. Jérémy Renner. Voilà. C'est très sexy, Jérémy. Donc Perrine est amoureuse. En gros, c'est 12 vaisseaux apparaissent, 12 vaisseaux non identifiés apparaissent à différents endroits sur la Terre. En forme de choc à pic. Et on demande à une linguiste d'essayer de comprendre la langue des extraterrestres. Voilà, et le film pour leur parler. Commence en fait avec quelque chose d'un peu particulier. Et c'est et puis bah en fait on découvre que elle a perdu un enfant et on la retrouve juste après donc apprenant le fait que bah, les extraterrestres débarquent et c'est assez flippant et elle essaye de communiquer avec eux, voilà. Bah en tout cas c'était juste l'élément que je voulais rajouter dans le résumé, mais c'est très très bien résumé, merci beaucoup. C'est t'as fait tout le travail, mais merci. Mais non, n'importe quoi, il l'a dit et après moi j'ai répété ce qu'il a dit pour me donner le mérite, voilà, c'est tout. Alors on va faire un petit tour de table en évitant Didi parce qu'elle a pas vu le film, ouais. Mais on va commencer donc par celui qui kiffe le film plus que tout, c'est notre cher Alex. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Ça veut dire qu'on va devoir virer Didi quand on va faire spoiler. Non, le spoiler, ça serait dommage. C'est vraiment dommage de se faire spoiler. C'est vraiment dommage de se faire spoiler. Ouais, mais tu parles de moi qui n'en ai rien à faire et qui, ça se trouve, ne verra peut-être pas le film. C'est bien dommage, c'est sûr. Tu louperas un des meilleurs films. Donc là, je pense que je crois comprendre que. Non, mais après, je peux faire la part des choses. Je pense que je crois comprendre donc que les trois personnes devant moi qui ont vu le film, Abe, donc il est à Houston, ont kiffé le film, c'est ça? Donc, Sub, t'as bien aimé? Non, c'est un film, c'était nul. Freshman, il y avait pas assez de kung-fu, il y avait pas de meufs. Non, mais il y avait pas de tout en voiture. Non, vraiment, c'est un très, très, très bon film de science-fiction. Probablement l'un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Voilà. Wow. Pourtant, t'as 9 ans. Du coup, ça fait quand même pas beaucoup de films. Alors, on parlait d'onanisme. Ah, mon Dieu, mais... Val, vas-y, dis-nous. Bah moi, je l'ai vu avec Monsieur Sub à côté de moi. Et, Monsieur Sub. Non, j'ai beaucoup apprécié aussi. C'était vraiment... Monsieur Métro. C'était vraiment une très bonne expérience. Et pareil, je suis pas, on va dire, une très grosse habituée des films de science-fiction. Mais celui-là, en sortant, vraiment, j'avais la sensation d'une petite claque agréable, finalement, sur le visage. Et c'était bien. Je crois que tu disais plutôt sur une autre partie du corps. Non, mais... eh bien, le visage suffira. D'accord. Pour cette fois. Alex, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du film, s'il te plaît? J'ai bien aimé, parce qu'en général, dans les films, la linguistique, c'est le parent pauvre de la science-fiction. Non, c'est même pas le parent pauvre, c'est carrément le pauvre gosse dans le caniveau, parce que bah, quand on regarde Star Wars, ils parlent tous la même langue. Quand on regarde Stargate, ils parlent tous la même langue. En fait, quand tu regardes n'importe quelle œuvre de science-fiction, au début, ils galèrent un petit peu. Et puis, dès qu'ils se disent deux mots, hop, c'est fini, c'est réglé. Ils parlent tous la langue. Et c'est la première fois. Il y a toujours un traducteur anglais. Intégré, des trucs comme ouais, ça. Ouais, je suis sûr que Sub veut parler de Doctor Who pour parler du système de traduction de TARDIS. Non, pas du tout. Attendez, on laisse Alex finir. Mais effectivement, c'est un bon exemple. Des fois, il y a des petites pirouettes, genre le traducteur automatisé par le TARDIS qu'ils ont tous. Mais il n'y a pas de moment où ils galèrent. Et ça, c'est un truc un peu dommage. Même le Seigneur des Anneaux, c'était mieux démerdé. Quand t'avais les elfes qui parlaient, bah on reste comme des cons. Attends, je crois que Abe, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie là? Oh, rien du tout. On a tous entendu la sirène là. Oui. Bah, ça se dirigeait vers Abe là. Parce qu'elle est pas dans le même bâtiment que nous. Radio Pirate. Hein, bah oui, on assume, attends. Il est sur un bateau en fait, comme Radio Caroline. Donc en fait c'est vrai que c'est plutôt la dernière roue du carrosse, or pourtant il y a des gens à Hollywood dont c'est carrément le métier d'inventer des langues, comme dans Game of Thrones. Comme non, c'est vrai que la langue d'Othraki. La langue d'Othraki, la langue des d'Othraki en fait est différente de celle qui est dans les livres. Ils ont inventé une autre langue. Ben, on va parler bien des langues, on aura tout le temps pour en faire, mais là, tout de suite, on va se passer la bande-annonce. Il y a des jours qui ont défini ton histoire au-delà de ta vie. Comme le jour de leur arrivée. Docteur Banks, suivez-moi, je vous prie. Vous êtes en tête de toutes les listes de recherche de traducteurs. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent, c'est notre priorité. C'est des chocs. On n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. On fait quoi maintenant ? D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Il faut que nous nous adressions aux autres sites. Il faut qu'on cache cette information jusqu'à ce qu'on l'ait comprise. Ça veut dire quoi ? Je suis pas certaine qu'ils sachent faire la différence entre une arme et un outil. Notre langue et notre culture sont complexes. Comment on peut clarifier leurs inventions ? Il faut que je reparte là-haut. On est peut-être à la veille d'une invasion mondiale. Je sais ce que c'est. Nom de Dieu, à quoi elle joue ? Ayez confiance en moi. Oh mon Dieu. Oui. Donc, c'était donc Premier Contact, on l'a pas dit, mais réalisé donc par Denis Villeneuve, scénarisé par Eric Asserher, je sais pas le dire, Amy Adams, Jeremy Renner, Forrest Whitaker, Michael Stuhlbarg, qui joue en tant qu'acteurs principaux. Donc, 116 minutes de film absolument cool, génial. Vous ne m'avez pas demandé mon avis d'ailleurs, mais moi j'ai adoré. J'ai kiffé sa race sur ce film. Et j'ai trouvé que c'était un film absolument passionnant sur la... Enfin, bon, je vais peut-être dire ça un Vas-y, peu après. Rame pour voilà, pas faire spoiler. Voilà, exactement. Mais en tout cas, un film sur le cinéma. J'ai trouvé que c'était un film sur le cinéma. Et je vais en parler après, mais c'est absolument fascinant. En fait, tous les films ne sont-ils pas sur le cinéma ? Oh merde. Merci d'avoir niqué mon truc stylé et que j'ai dit. En tout cas, juste le titre québécois, c'est L'Arrivée. Voilà, ça me fait toujours bien rigoler. Et donc, le film, en fait, est assez prenant aussi pour sa musique, qui est chantée, composée par un cher islandais. En tout cas, enfin bref, quelqu'un qui vient du Nord, puisqu'il s'appelle Johan Johansen. Voilà, et qui fait une musique plutôt géniale, qui rythme le récit. Et en fait, on a aussi un truc, ça c'est une moto, c'est pas la musique. On a un truc avec ce film, c'est que donc, qui est très intéressant, que j'aime beaucoup personnellement. Là, on parle plus, pas forcément du scénario, mais de la forme. C'est qu'il ne montre pas les extraterrestres. En tout cas, c'est toujours très mystérieux. Et c'est le truc qui, comme dans Les Dents de la Mer, c'est vachement plus intéressant. Mais en même temps, c'est... Enfin, Pourquoi cette comparaison avec Les Dents de la Mer, là ? J'ai pas compris. Parce que Les Dents de la Mer, en fait, on voyait très peu le requin, vu que l'animatronique ne fonctionnait pas correctement dans le premier film. Elle était tout pourrie, ouais. Donc c'était plus de la suggestion qu'autre chose. Au début, hein, parce qu'après, tu le vois très bien, le requin. Mmh. Bah, comme dans Premier Contact, au final. Ah, on les voit. On les voit en fait un peu tout au long du film, mais on sait pas si c'est eux. On sait pas, on comprend pas. Oui, voilà, dans ce sens-là, oui. En fait, on les voit, mais ils sont dans la fumée. Mm. C'est un peu des espèces de pieuvres. C'est des octopodes. Heptapodes, pardon, oui. Ils en ont combien? Ah oui, c'est vrai, c'est hepta, oui, ils en ont 7. 7, ouais. Mm. Oh, le 7, chiffre... De la bête. Chiffre divin. En fait. Chiffre divin, qui veut dire qui a beaucoup, beaucoup de signification. Ils ont 7 membres, finis par 7 tentacules. Ça en fait beaucoup. 49. Ouais, et ça fait quand même beaucoup d'idées de hentai pour Denis Villeneuve, qui a réalisé d'ailleurs, donc j'en parlais juste avant avec Star Citizen, qui a réalisé donc, quel film maintenant, qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, avec Ryan Gosling. Oh, Thor. Blade Runner, voilà. 249, je ne sais plus. Du coup, Denis Villeneuve, personnellement, je l'ai découvert à ce moment-là. Vous le connaissiez déjà avant ? Non. Alex, toi, tu le connaissais déjà avant, ce réal ? Denis Villeneuve ? Non. D'accord. Mais moi, je ne m'y connais pas en cinéma, donc voilà. Je suis en mode touriste, bonjour. Ben, si vous êtes sage et qu'on a du temps encore, je ferai peut-être un petit quiz jeu vidéo, si vous voulez. Waouh, les gens sont motivés. Merci, pas tous en même temps. Ouais, c'est cool. Il y a de l'ambiance, c'est un truc de fou. Sachant qu'on déjà, on n'est même pas dans les mêmes salles et tout. C'est un peu particulier cet épisode. Et en plus, il n'y a pas Bilka. Nous le pleurons tous. Voilà, on le pleure tous. Mais bon, il est... Bon, dans un monde meilleur. Ouais, je sais pas. Il est peut-être avec Valérian et Laureline, à mon avis. Voilà, on est parti avec... Faut pas parler de ça, ça va toucher les gens. Franchement, c'est l'âme. Du coup, alors, en fait, donc notre chère Amy Adams débarque et doit apprendre à comprendre la langue des extraterrestres, puisqu'on ne sait absolument pas ce qu'ils veulent à la Terre entière. Doit surtout faire comprendre la nôtre. En fait, c'est ça le concept. C'est plus ça le concept. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment un échange... En fait, il faut, à l'origine, enfin, pas spoiler, il faut qu'elle apprenne... Enfin, il faut qu'ils puissent comprendre la langue. Mmh. Qu'est-ce que vous venez foutre chez nous ? Ouais. Et c'est pas en apprenant leur... Enfin, dans l'idée, c'est leur apprendre notre langue. En effet, le premier truc qui apparaît, c'est évidemment la peur d'invasion. Et donc, en fait, on a dans l'espèce de tente de camping de QG dans lequel ils travaillent, Amy Adams et Jérémy, eh bien, il y a donc plein d'écrans avec des interlocuteurs d'autres pays, donc France, Angleterre, en fait, les pays dans lesquels les vaisseaux ont atterri. Parce que en tout, je crois qu'il y en a 12. Putain, tu connais tous les chiffres de ce film. C'était dit dans la bande-annonce. Ah ouais, mais moi j'écoute pas, hein. Moi je vais pisser en ce moment en attendant. Je l'ai vu ce matin avant de venir. Ah d'accord, ok. Mais en fait, je t'en avais parlé en off, moi j'ai décidé volontairement de pas le revoir parce que j'avais eu vraiment... j'avais tellement adoré ce film au moment où je l'ai vu et il m'avait apporté un sentiment tellement frais et pur, on va dire, que j'avais pas envie de le revoir et de détruire un peu ce sentiment, un peu comme quand on rejoue un jeu... dont on avait souvenir il y a longtemps, quoi. C'est marrant. Voilà. Merci. Wow. En fait, dans l'absolu, moi, je trouve ça peut-être un petit peu dommage parce que je considère que c'est le genre de film... C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis très, très à cheval sur le fait que Didi ne soit pas là lorsqu'on en parle au niveau spoiler. Parce qu'une fois qu'on connaît la fin, en fait... Ça change plus le film. En gros, une fois qu'on connaît la fin, ça change toute la signification du film. Parce que... il y a des choses qu'on nous montre depuis le début qui prennent sens uniquement à la fin. Et le fait que le moment où elles prennent sens, en fait, c'est ça qui crée la magie du film pour moi. Et... après, c'est toujours intéressant, de revoir du coup un film en double lecture. C'est comme si on accédait directement à la deuxième lecture sans passer par la première. Et donc, ça casse tous les merveillements possibles. Mais juste pour revenir, je comprends le sentiment de ne pas briser l'espèce de première impression sur quand on a vu quelque chose ou joué à quelque chose. C'est pour ça. Voilà. C'est surtout plutôt par peur d'être déçu quand tu revois quelque chose qui t'a émerveillé et là tu fais ah en fait c'était pas si bien que ça Les vieux dessins animés qu'on revoit c'est souvent ça aussi et comme disait Sub, en fait il y a des films que quand on va le revoir ça va être ah oui je l'ai déjà vu, je suis plus émerveillé, mais il y a des films genre Le Sixième Sens qui est un peu comme ça où quand on le regarde complètement différemment, donc la deuxième vision, même si c'est pas un émerveillement, devient très intéressante quand même, parce qu'on se retrouve avec un autre point de vue. Donc c'est le point de vue du gamin. Merde. C'est vraiment ça fait partie des films à regarder une deuxième fois. Shyamalan, beaucoup de ses films sont basés sur ça, justement, le fait qu'il y ait une révélation à la fin et qu'au final, quand tu les revois... En fait, pour moi, je trouve que tu peux pas les revoir autant qu'un film qui a pas ce genre de fonctionnement. Non mais en fait je suis assez d'accord, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est juste des fois on a peur d'être déçu, mais finalement quand on grandit, quand on prend un peu de maturité, quand on revoit certains films, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas compris au départ, et ça m'est arrivé, c'est tout con, mais avec les Disney, Quand tu revois les Disney quand t'es plus grand et que t'as appris, tu vois, des choses sur l'histoire de la France pour le genre le bossu de Notre-Dame, et quand tu le revois plus grand, tu fais oh mon Dieu. En fait, c'est dans le pire livre. Méchant de Walt Disney. C'est pour ça que c'est devenu mon Disney préféré. J'ai eu même sa réaction avec Hercule et les blagues qui sont vachement poussées. Et dans Aladdin aussi, il y a certaines blagues. T'es là, je fais, j'avais pas compris ça quand j'étais petite. Quel genre de blagues ? Avec le génie et l'abeille, quand c'est Aladdin et Jasmine sur le balcon. Ah oui. J'ai là, c'est. L'innocence de l'enfance a disparu. Voilà. Mais il y a encore pire, il y a quand tu regardes par exemple La Belle et la Bête, le dessin animé. Et quand tu sais la vraie histoire Non, mais quand t'es adulte et que tu réalises qu'en fait Gaston n'est pas le méchant dans l'histoire. Oui. Et que c'est même, de son point de vue, il est le héros de l'histoire. Mais d'un certain des points de vue des villages. Mais déjà, il est blanc, il est pas marron comme la bête. Et ça, ça me plaît, moi. C'est pas raciste. Mais ouais, j'avais et ils ont tous un accent anglais, Gaston, donc oh, je m'appelle Gaston. J'avais vu un live de Bob Lennon, donc un youtubeur qui parlait de ça, qui disait mais Gaston en réalité c'est le mec qui ramène la bouffe au village, c'est le mec qui chasse, c'est le mec qui voilà est vraiment le soutien du village, et c'est tout à fait normal qu'il veuille tuer la menace. En fait, si tu joues à loup-garou, c'est un des villageois, c'est le chasseur. Oui. Et la bête, c'est le maire du village. Ouais. C'est celui qui, quand il dit quelque chose, c'est le chasseur qui est devenu le maire du village. Mm. Et comme elle dit, il a tous les traits du prince charmant, tout le monde l'aime. Mm. Il est grand, beau, fort. Il a juste 2-3 traits qui normalement sont associés aux méchants. Le gros sourcil. C'est ça. C'est vrai. Les gros sourcils français. La mâchoire carrée, le fait qu'il ait des poils. Ouais, mais la bête aussi, elle a des poils. Ouais, mais. Je suis désolé. Et en fait, c'est un mélange de traits de méchant et de traits de prince charmant. Ouais. Et en fait, c'est ça qui fait hybride. Que. C'est ça. Et en fait, quand on suit son point de vue, il est le gentil. Elle se fait enlever, enfin, le père se fait enlever par une créature, puis elle va l'aider. Lui, il est là pour sauver Belle parce qu'il comprend pas pourquoi elle est pas amoureuse de lui, parce qu'il est le prince charmant. Elle doit tomber amoureuse de lui. Mais j'ai été gentil avec toi, pourquoi tu m'aimes pas ? Quand on regarde, en fait, c'est un petit peu justement ce qu'on retrouve au début du film live, justement. Clairement, au début du film live, mais Gaston, il est pas méchant, en fait. Il est un peu à l'ouest, certes. Ah oui, mais il est con. Hein. Non, c'est ça, on peut le dire. C'est un prince charmant raté juste parce qu'il est con comme un manche. C'est ça. Ensuite, réellement, les autres princes charmants, on les a pas souvent entendus parler, donc... Et la différence entre le film et le dessin animé, c'est que dans le film, Gaston prend sciemment le... À un moment, c'est... on le laisse là, maintenant il va mourir. On le laisse là. Ouais. Donc c'est sciemment, je choisis de laisser crever le mec en sachant qu'il va mourir. Alors que dans le dessin animé, il y a peu de moments où les décisions sont soit bêtes, soit parce qu'il a peur, soit parce qu'il est en colère, mais... Non, il y a une décision où c'est très réfléchi, quand il décide d'envoyer le père de Belle à l'asile, en fait, c'est du marchandage, mais c'est de l'esprit... chantage, ouais, et là, c'est... Niveau intelligence, c'était pas mal, parce que depuis tout à l'heure, on voit genre, je suis musclé, c'est moi le plus fort, et là, soudain... Non, c'était très... Là, c'est là que tu te rends compte. Je précise que c'est le film préféré de Didi, donc fais gaffe. C'est mon dessin animé. Ouais. C'est parce qu'il est amoureux. Quand c'est une princesse Disney qui fait ça par amour, c'est mignon. Quand c'est un méchant, c'est horrible. Mm. Ah ouais, c'est quoi ce racisme anti-méchant ? Hein ? On a globalement le même problème avec 50 nuances de Grey. Quand c'est un riche millionnaire qui fait ce genre de choses, ah oui, c'est un problème. Parce que si t'avais mis l'histoire avec un mec clodo qui fait les mêmes choses... Juste avec un wesh. Là, ça aurait été un gros pervers. Non, mais pour appuyer son raisonnement, il y a des mecs qui ont illustré la façon de brainwash, de faire du lavage du cerveau des sectes, illustré point par point par 50 nuances de Grey. Vas-y, dis-nous. Alors je décris la scène, il sort un dictionnaire avec un gros manuscrit. Si tu cherches dans des vidéos sur internet, t'en as pas mal, et c'est comme voilà, comme c'est un riche millionnaire, c'est mignon, c'est cool, mais en fait c'est vraiment abominable parce que c'est littéralement comment faire du lavage du cerveau de A à Z. Donc on a un peu dévié, on va pas se le cacher, mais on va revenir un peu sur on va revenir donc avec Amy Adams. D'ailleurs, elle aurait fait une très bonne Belle. Je trouve que c'est vrai. Non ? Non, elle est déjà princesse Gisèle. Ah oui, c'est vrai. Elle avait joué dans Il était une fois. Ouais. Ah, c'est elle. Ouais, c'est elle. Ah oui, c'est elle. Eh ouais, Eh ouais. D'accord. Alors, c'est vrai, elle fait une bonne princesse Giselle d'Arc. Alors j'ai l'impression qu'il y a, il y a un peu des sentiments, Alex, envers Amy. Qu'est-ce qui se passe? Tu aimes cette actrice? J'aime bien le personnage de Giselle, ouais. Ah non, mais moi personnellement, je le dis, je trouve que Amy Adams joue très bien. Je trouve qu'elle est fabuleuse dans le film American Hustle, qui est un film vraiment génial. Il y a Jennifer Lawrence aussi, il y a Bradley Cooper et un autre monsieur dont je ne connais pas le nom, je suis désolé, mais c'est vraiment un super film. Et... C'est pas Jérémy Renier? Il y a Jérémy Renier aussi, mais un autre gars qui... Enfin bref, je vais pas... Là aussi, le film fonctionne sur le principe de surprise à la fin. Et waouh, ça te retourne la tête, le retourne l'estomac et ça te fout un bon coup. Et il y a une scène qui est, mais waouh, j'avais jamais vu ça dans un film. Et du coup, je pense pas que je vais en parler là maintenant tout de suite. Mais c'est quoi le titre de ce film-là? American Hustle. Ah d'accord, oui d'accord, ok. Un peu le crime américain, l'arnaque américaine. Le hustle, c'est... Everyday I'm hustling. Hustling. Car petit crime, quoi. Tu fais du crime. Du méchant crime. Tu vends du drug. et bon, bah, moi je pense que c'était une bonne première partie hein, pour parler de. On a vachement parlé du film. Voilà. Mais parce qu'en fait, on a envie de spoiler ce film. C'est vrai que tout le principe du film, on peut pas en parler pleinement si on le spoil pas. Mais il était bien. Allez le voir. Voilà, voilà. Au revoir les gens qui n'ont pas vu le film. Au revoir Zidi. Allez, casse-toi. Et donc, vous connaissez Electric Guest, j'imagine? Non. Non? Vous connaissez cette chanson? Non. C'est une pub. Hein? C'est dans une pub. Bah voilà. À Génération Télévision. J'avais oublié que Abe était là. Du coup, ça m'a fait très bizarre. Je me suis dit, ouais, c'est quoi cette version? Ouais, elle est dans une pub. Ah ouais. Oh, merde, les pubs, c'est chiant. Ah, les pubs, c'est bien. Ça grandit ta culture musicale. Mais ouais, exactement, pas du tout, c'est de la merde. Ah, et donc, ils ont sorti un nouvel album et qui s'appelle Dear To Me. Non, je sais pas exactement comment il s'appelle. Je vais dire des bêtises, peut-être. Vais-je dire des bêtises? Je ne sais pas. Je vais vérifier, je vous dis ça. Après, à mon avis, on va passer d'abord la chanson qui s'appelle Elle, Dear To Me. Donc c'est pas celle-là, mais celle-là on la passe quand même parce qu'elle est cool. D'ailleurs, je vous invite à regarder le clip parce qu'il y a le truc, un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu dans un clip. Hein. Je sais pas si vous. Personne ne l'a vu ici? Non. Bon, allez le voir et après je vous le spoil. Je vous le dis. Ok. On fait ça. Allez, à tout de suite, on se passe direct to me. Thank you. Fin de la récré pour tout le monde. Je comprends. Alors, juste... en fait, pour préciser, Didi et Alex sont toujours en plein débat sur, sur nos chers amis La Belle et la Bête. Et c'est vrai que, purée, à chaque fois que Didi est là, on case La Belle et la Bête. C'est un truc de fou. Faut quoi. Parler des choses importantes. Si, dans si, la... si ouais. une marque tu veut me payer, je peux faire du placement de produits. Vous voyez, Disney serait prêt à te rémunérer. Ah, il pourrait. Ah, oui, j'avoue. En fait, t'as d'ailleurs un podcast voilà. spécial La Belle et la Bête. tu m'as publié. Donc, Electric Guest, c'est un groupe américain formé à Los Angeles. Et puis bah il y a Asa Jacconi, Matthew Compton. Oui, j'aime bien dire les vrais noms des gens dans les groupes. Je sais pas, j'aime bien. Québécois. Voilà. Et ah oui, un peu comme les titres québécois. Ben là, Electric Guest, l'invité électrique. Hein donc, en 2011, il y a Todd et Tori Daloff qui les ont rejoints. Et donc, Val, qu'est-ce que t'as pensé du clip en fait, que t'as vu? J'ai pas eu le temps de le voir en entier, mais ça avait l'air d'être bon délire. Ah ouais, en clair, donc la musique commence. Ouais, c'est ça, et à un moment, il y a un cut, enfin, il y a une scission où il s'enfuit, et du coup, il s'enfuit de la musique, et... Il va passer, en fait, un espèce de concours de qui a le plus grand talent, et puis, le chanteur arrive tellement pas à commencer que finalement, il sort de la salle, il court. Oui, et il voit les têtes du jury dans le désert. Et puis il arrive dans le désert, et puis il rencontre une femme qui, elle aussi, est complètement perdue. Et puis, ils couchent ensemble, ils ont un enfant, et ils vivent là, et donc il a de la barbe. C'est parce que je suis pas allée jusqu'à cette partie-là. Et il vit des années avec cette personne, et puis d'un coup, il se regarde, et puis il se remet à courir, et il retourne, et là, il chante, il finit le truc, et il a plus de barbe. Enfin bref, c'est un des trucs les plus délirants que j'avais jamais vu dans un clip. Allez le regarder, c'est très très drôle. Je pense que tu n'as pas dû voir Glory Hole. Glory Hole. Déjà rien que le nom, tu vois, on peut s'attendre à quelque chose de bizarre. De mince. Non, c'est ce que je veux dire, c'est évidemment il y aura toujours des trucs chelous. Ah, oui. Mais je veux dire un truc comme ça marrant qui te prend comme ça comme un Glory Hole, et c'est cool. Glory Hole de Sleep Panthers. Ok, voilà. Mais généralement quand on tape ça sur Google, non, il faut vous taper ça sur YouTube. Oui, d'accord, YouTube. Okay. Pas besoin d'aller sur YouPorn, tout va bien. Ouais, mais il y a du porno sur YouTube, hein, malheureusement. Oh, si c'est peu. C'est vachement. Faites attention à vos enfants. Ouais, mais justement non. Dernièrement, ils mettent en fait la capsule, genre ils mettent tuto ou des trucs genre. Non, mais pas tuto, mais genre sous prétexte que c'est de éducatif. Éducatif, voilà. Genre, apprenez à faire le sexe. Ça m'étonnerait parce qu'il y a qui se cachent. Il n'y a pas grand-chose qui passe à travers YouTube. Au contraire, l'autorité de YouTube est vachement répressive sur les contenus. Ça passe. Ça passe même plutôt bien. Et c'est probablement parce que c'est d'une... fait péter. C'est sûrement en fait parce qu'il y a une petite communauté et qu'ils évitent de trop partager ce genre de vidéos. Public et donc, des niches. Alors, pas de partage. On va revenir sur Premier Contact, The Arrival, enfin pour voir donc lui spoiler sa race. Et juste, on parlait de musique donc avec Johan Johansson, qui donc, oui, il est bien islandais en plus, qui donc a travaillé sur la musique. Ah, donc pour tout le film, et il y a aussi en fait une chanson de Max Richter, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement, que vous devez sûrement connaître, qui a notamment fait la bande sonore de Valse avec Bachir, qui a réalisé beaucoup de chansons, toutes les plus tristes les unes que les autres, enfin c'est assez étonnant. Et donc, je vous invite à aller voir un peu sa discographie. Alors, on va discuter directement du principe du film. Quelle était-ce, Val? Vas-y, dis-nous. Comme on a dit en partie 1, une linguiste qui prend contact, un premier contact... avec ces extraterrestres, donc, et qui, au fur et à mesure, donc avec l'aide de son ami le scientifique que je vais appeler Okai, par souci de remémorance de prénom. Oh, Jérémy. Jérémy, entre nous. Ouais. et donc voilà, au fur et à mesure du film, donc on se rend compte du coup qu'elle arrive à décrypter petit à petit le langage qu'ils utilisent jusqu'à, pas le comprendre complètement, mais en tout cas comprendre le code, l'équivalent de notre alphabet, on va dire. Au moins, et au final pour ensuite arriver à une situation de tension à base de pays qui veulent plus attendre et qui ont peur de se faire bombarder et que donc elle détient entre guillemets, enfin pas la vérité mais en tout cas le fait qu'ils veulent pas nous faire de mal et voilà. On parlait du principe fondamental du film, c'est que il y a deux temporalités en fait. Oui. Alex, tu veux dire, pardon? C'est juste, t'anticipes un truc, le moment où les pays se frittent, c'est quand ils découvrent qu'il y a le mot arme. Ouais, ouais, Gun. Qui est spoilé d'ailleurs. Dans la bande-annonce. Oui, j'étais surpris de voir ça aussi. Mais bon. C'est un très bon élément, quand même, perturbateur, on va dire, de cette ambiguïté du mot arme où elle dit, bah oui, ça peut être une arme, mais ça peut être un outil, on sait pas, ça peut être un cure-dent, comme ça peut être un AK-47. Voilà, c'est. Hache, c'est un outil. Et une arme, donc voilà. Et mais ouais. c'est on parlait de ça au début, tu vois, du fait que généralement, par exemple, dans Star Wars, il n'y a pas de forcément de langue et ça s'intéresse très communément à parler. On parle surtout l'anglais, l'humain, l'américain, et ça, c'est quelque chose de souvent qui arrive, c'est qu'on est très anthropocentré. Donc on est vraiment centré sur la race humaine et c'est vraiment, c'est eux les meilleurs, En fait, c'est plus de la simplification pour le spectateur. Peut-être, mais en tout cas, il y a toujours souvent ce côté, les Jedi, tu vois, ils tuent tout le monde, mais c'est les humains les meilleurs, tu vois, c'est les humains qui vont sauver le monde. Bon, après, c'était sûrement plus une histoire de moyens à l'époque, mais ça a quand même pas trop évolué. Et là, on trouve plutôt ce côté, les humains sont des fourmis. Comparé à quelque chose d'immense qui leur arrive dessus et qui est une menace pour eux. Pourtant, à peine. Et pourtant, à peine, c'est-à-dire, pardon. Quand on connaît la fin, on peut spoiler ou pas? Ouais. Quand on connaît la fin, ils sont venus parce qu'ils vont avoir besoin des humains dans plusieurs centaines d'années, donc ils ont besoin que les humains soient là pour apprendre comment on fonctionne. Soit assez intelligent, globalement. Ce qui fait, globalement, c'est toujours les humains qui sont les mecs importants. Il n'y a pas beaucoup de films, il y en a très peu, et en général, c'est des films indépendants qui mettent les humains dans une case un peu... c'est pas les grands méchants, c'est pas les grands gentils. Ou Mass Effect. Voilà. Mais bon, Mass Effect, c'est parfait. Donc, oui, mais les humains sont... peu comme les... Mais de base, on joue un humain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que... Merci de ne pas spoiler Mass Effect. Non, t'inquiète, je... J'ai l'impression que c'est ce qu'on dit à chaque sujet. En fait, dans Mass Effect, ça c'est encore en lien, c'est dans la science-fiction, mais tu joues à un humain, mais ça va au-delà de l'humanité, en fait, ce que tu fais. Puisque pour accomplir tes actes, tu vas devoir réunir toutes les races, basiquement. Mais l'humanité qui change le monde, parce qu'à la base, t'es un humain. C'est comme dans Stargate. Mais dans parce que c'est très particulier, parce que dans le jeu, même si ta forme est humaine, tu ressembles pas à un humain, en fait. Surtout à partir du deuxième épisode, et surtout au troisième, où il y avait même des théories... je vais rien dire, parce que ça peut spoiler, mais même... En plus, dès le départ, on te dit, tu es un spectre. En fait, le Spectre, c'est un peu comme un suragent du FBI. C'est que tu peux faire absolument un peu ce que tu veux au niveau des lois, tant que tu y arrives et tout. Et ça, ce statut peu de long, et ça n'a rien à voir avec ta race. Et en tout cas, à l'échelle globale, les humains sont perçus un peu comme, tu vois, des gens un peu, qui aiment la bagarre, qui, la première fois qu'ils ont rencontré des extraterrestres, on tirait dessus, c'était la guerre du premier contact avec les Turiens, donc une race aussi un peu... Elle n'est pas belliqueuse, c'est juste des espèces de romains, quoi. Pourquoi est-ce que le quatrième... comment il s'appelle le nouveau, là ? Mass Effect Andromeda, voilà. J'y ai pas joué. Pourquoi est-ce qu'on joue pas de base une Azari ? Une Azari, j'aimerais beaucoup, tu vois, moi aussi. Mais beaucoup plus fun à jouer une Azari qu'une. Mais parce que ça a pas le même, ça aurait pas le même intérêt. Je pense sincèrement parce que dans Mass Effect, tu découvres toutes ces races puisque t'es un joueur, c'est normal, t'as jamais joué au jeu. Et du coup, te mettre dans la peau d'une Azari qui aurait tout un background. Ça ferait un autre jeu, en fait, parce que tu devrais apprendre ta propre existence. On peut choisir sa race dès le début sans problème. Mais c'est pas le même principe, parce qu'il n'y a pas le scénario est pas construit de la même manière. Là, je pense vraiment que ça a un intérêt d'avoir un humain, surtout pour te rendre compte que, putain, mais en fait, je suis pas grand-chose sur Terre. Derrière ça, tu dis, il y a tout un background par rapport à Azari qu'on n'a pas, on l'a pas non plus, celui de notre personnage principal, je veux dire, il y a quand même... Il y a 20 siècles entre nous. Tu peux le créer, en fait. Oui, mais il y a 20 siècles entre nous. On n'a aucune idée de ce que c'est que sa vie, on n'a aucune idée de ce que c'est que son origine. Je veux dire, on n'a rien en commun avec lui. Tu peux même le créer toi-même dans l'épisode. Mais en fait, je pense que ce qu'il veut dire, dans le sens qu'au niveau de... c'est pas vraiment le personnage, mais plus l'univers qui l'entoure. Ce qui se passe sur Terre, à ce moment-là, on n'en sait strictement rien. Mais c'est ce que je te disais, justement. Parce que on s'en fout. Shepard, c'est pas. D'ailleurs, on l'appelle même pas par son prénom. On s'en fout. C'est toi, en fait, Shepard. Shepard, c'est toi qui joues. C'est le joueur. Donc c'est pour ça qu'il doit apprendre des autres races. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça que c'est. Voilà. C'est pour ça que c'est anthropocentré. La raison pour laquelle c'est forcément un humain. Ouais. C'est la même raison pour laquelle les héros de films, c'est souvent des mecs blancs 35 ans. Mais en tout cas, c'est l'identification. Ce que je vous dis, c'est que peut-être dans le scénario, c'est anthropocentré, peut-être, mais l'espace que tient donc les humains dans la galaxie, c'est celui de « putain, c'est vraiment des connards, on va leur laisser les miettes ». Jusqu'au 1, ils n'ont même pas la place dans un conseil, du 2, ils prennent un peu d'importance... Mais ça commence à spoiler tout le doucement, là. Pardon, mais ça reste, qu'ils sont perçus... comme des gens belliqueux et pas très sympas, et le but de la série, c'est d'aller au-delà de ça, peu importe la race, on est cool. Mais effectivement, ils montent très vite, parce que c'est les humains, ils montent très vite dans la hiérarchie des espèces. Comme dans la plupart des jeux, même sur le MMO Lineage 2, en fait, le principe, c'est que les humains, au début, ils ont été créés avec les restes de toutes les autres races. Et au final, c'est eux qui dominent tout le monde. Mais dans Mass Effect, pourquoi ils montent ? Parce qu'ils collaborent. Ils comprennent que... et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Asari, les Galariens et les Turiens, qui font partie du même conseil. C'est qu'en s'associant, en associant leurs forces, c'est un peu communiste tout ça, mais en clair, en s'associant, en arrêtant de se différencier, ils y arrivent. Et là, c'est le même principe pour moi. C'est pas du tout anthropocentré, c'est les gentilles races vont réussir. C'est tout le principe de la citadelle qui réunit toutes les races et qui est l'outil qui permet de gagner, qui fait des choses, pardon. Oh putain, j'ai quand même une question finalement. Dans un univers si riche, pourquoi choisir un humain alors que finalement ils doivent tous s'allier à la fin? Par exemple, dans StarCraft, c'est absolument pas le cas. Mais parce que c'est un héritage de la série, à la base, en fait, c'est discutable pour Mass Effect Andromeda. Andromeda, je comprends pas. À mon avis, c'est parce que ça a dû être le bordel niveau production et qu'ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Bref, c'est pas excusable pour Mass Effect Andromeda. Pour Mass Effect 1, 2, 3, c'est complètement justifiable et justifié. Je pense que c'est pas... paresse, en fait, que pour Mass Effect Andromeda, on n'a pas le choix. Je pense aussi, parce que moi aussi, je rêvais de faire une Asari, qui est pour moi la race la plus intéressante de tout le lore. C'est des grosses connasses. Non, elles sont super intelligentes et elles sont super cool. Et puis, Liara, c'est mon amoureuse. Voilà. Enfin, elles veulent quand même dominer le monde et elles sont bien en mesure de le faire. Bah ouais, c'est ça qui est cool. Ah, moi, je veux bien me faire dominer par Liara. Hein. Oh. Ah, on est dans un genre de bail, d'accord. Alors, bon, tout simplement, on va encore revenir sur, s'il vous plaît. Ouais. Là, on a fait une bonne digression, mais en même temps, c'est très intéressant de parler d'anthropocentrisme dans les films, dans la culture populaire. Et on revient, en fait, sur Premier Contact, où il y a donc deux temporalités. C'est-à-dire que je vous avais parlé au tout début qu'elle perdait sa fille. Et pendant tout le film, en fait, on a tous ces flashbacks sur sa fille. Et on se rend compte à la fin qu'en fait, c'est pas du tout des flashbacks. C'est ce qui va arriver si elle se marie avec Jérémy. En fait, si elle tombe amoureuse de Jérémy. Et donc, en fait, le langage donc des sextapodes. Heptapodes, excuse-moi, c'est 12, oui. 7. Ouais, je sais pas parler. Eux, ils ont une langue donc qui se parle en même temps de, on va dire, du début et de la fin, et qui se rejoignent au milieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film. Donc à la moitié à peu près, on va dire, plutôt, c'est plus dans la fin. Se rend compte de tout ce qui va se passer à la fin si elle fait tous les choix qu'elle va faire. Et c'est très particulier. Alex, ta langue te chatouille. Vas-y. C'est encore plus compliqué que ça. En fait, c'est pas qu'ils voient le début et la fin, c'est qu'en fait, la perception du temps n'est pas linéaire. C'est plus compliqué que de voir c'est le début et la fin. C'est une grosse boule. C'est comme dans Men in Black, le dernier. Exactement. Attends, nous avons le linguiste qui va nous dire. Non, justement, il s'agit pas de voyage dans le temps. Ça, c'est super important. Non, je veux dire, dans Men in Black, le dernier, il y a un des personnages qui ne voit pas le temps de manière linéaire. En fait, il voit les choses, mais dans son ordre à lui, c'est différent d'une autre. Non, il voit pas le temps, il voit les probabilités. Oui. Voilà. Là, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'en fait, dans Premier Contact, il y a 4 thèmes. Il y a la langue, il y a la perception de l'autre, il y a la xénophobie et il y a le destin. La maternité aussi. Et en fait, étonnamment, le destin, c'est quelque chose de très important là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui le ratent sur le fait que, par exemple, elle sait qu'elle doit avoir une fille qui va mourir. Et pourtant, elle va l'avoir. Elle choisit. Est-ce que c'est le destin? Et c'est quelque chose de très particulier, puisque c'est pas comme si on voyait le futur, on pouvait le changer. C'est une vision du futur tel qu'il sera. C'est que pour sauver le monde du fait qu'ils s'entendaient pas du tout, ils faisaient la guerre et tout, et du coup ils allaient se détruire les uns les autres, elle devait accepter de faire quelque chose en connaissance qu'elle ça allait lui porter énormément de malheur, puisqu'elle allait perdre sa fille. Je pensais qu'elle devait faire ça. Son mari ou son compagnon. Ah oui, il la quitte. Son compagnon décide, après avoir appris que sa fille mourrait, que de ne pas rester là. Quoi. Ah oui, elle se retrouve toute seule. Et ouais. C'est pour ça que ça me parlait de maternité. Voilà. Mais son compagnon, c'est Gégé. Ouais. Ouais. C'est Gégé. Il ne reste pas à élever la fille jusqu'à sa mort. Dans un des flash-forwards, ils expliquent que c'est pour ça qu'il s'est barré. C'est ça. Mais je trouve ça fascinant, ce principe, cette idée-là d'avoir mis des flashs que, dans notre interprétation de spectateurs habitués, on se dit tout de suite c'est du flashback. Et arrivé à la fin, mais c'est du flash dans le futur. Et ce que. Flash forward. C'est ça. Et du coup. On est en France ici, Flash futurien, ok. Et je trouve ça magique, un peu l'idée d'avoir renversé ce code-là de. Forcément, on te met des souvenirs et de penser que c'est dans le passé alors que c'était dans le futur. Et que l'interprétation de l'actrice aide énormément, en fait, lorsqu'on voit qu'elle est complètement déprimée pendant tout le film. Et on se dit, c'est normal qu'elle soit déprimée, elle a perdu sa fille. En fait, elle est juste dépressive. Et après, il y a plein de petits indices qui sont disséminés. Elle est là, mais c'est quoi ces visions et tout et tout. Et je pense que c'est un des problèmes principaux du film, dans la réception qu'elle a eue, c'est que beaucoup de gens ont dit c'est de la triche, on s'est fait avoir, le réalisateur c'est un connard. Et du coup, parce qu'il nous a fait croire que c'était un flashback, un flash arrière, alors que c'était un flash avant. Alors, il a triché, mais une seule fois. Ah, il a, par contre, il y a une vraie triche. La Moffat Sloop. Bah non, c'est justement dans le flash-forward du début, où on voit la fille mourir petit à petit. Ce qui est amusant, c'est que ça fait beaucoup penser à là-haut, pour le dessin animé. Arrête, je vais pleurer. Avec l'intro. Merci. Tout le monde oui, ça fait pen... bon, j'y ai pensé aussi. Mais... et en fait, on la voit ensuite se déplacer dans un bâtiment qu'on suppose être l'hôpital. Sauf qu'en fait, ce bâtiment-là, ça peut être n'importe quoi, c'est juste qu'elle se déplace. On pense que les deux sont connectés. Ce flash-forward n'existe pas dans le film. Complètement. C'est-à-dire, elle ne le voit pas. C'est nous qui le voyons, il est pour nous et nous seuls. Elle ne l'hôpital? Le voit pas. Le moment où c'est le moment la mort de la fille. C'est quelque chose qu'elle ne voit pas. C'était à quel moment dans le... C'est au début. Tout début. C'était ce qu'on pensait être son rêve, c'est ça? Voilà, en fait, c'est triché, c'est ça? C'est ça, l'introduction est trichée parce que tous les autres, par contre, on les voit arriver. C'est-à-dire, on le voit le moment où elle est en train de la voir et on la voit réagir à son flash-forward. Celui-là, c'est le seul auquel elle ne réagit pas. Alors, est-ce que c'est de la faute du réel? Parce que... C'est volontaire. Le film, on l'a pas dit pendant, c'est quand même une adaptation d'un roman donc écrit par Ted Chiang. Ouais, il a un nom qui lui va mal puisque c'est plutôt cool, c'est ce qu'il fait. Est-ce que du coup c'est la faute du réal? Je sais pas. Là, je... Mais juste parce qu'elle a pas de réaction, du coup c'est l'interprétation, c'est qu'elle elle ne c'est extra-digétique, pardon. Non mais de toute façon elle avait pas encore rencontré les heptapodes, elle ne pouvait pas avoir ce flash. Bah ils étaient déjà sur Terre à ce moment-là, non? Ou, non. Non, parce que c'est vrai qu'on les entend arriver après. C'est la suite de ce moment-là, c'est le moment où on apprend qu'ils apparaissent et surtout elle a pas de réaction, c'est-à-dire tous les autres flash-forward, il y a une réaction légèrement avant et légèrement après pour montrer que ça se passe en live. Et celui-là, t'as ni réaction avant, ni réaction après, ce qui montre que c'est quelque chose qu'on nous montre à nous. Donc, c'est pour ça que nous, on suppose que c'est son passé. C'est la vraie triche du film. C'est-à-dire, si à un moment, on dit « Ah, il a triché », c'est ce flash-forward-là. Mais en même temps, ça aurait été peut-être un peu trop lourd de le rajouter encore, et surtout, à quel moment ils auraient pu mettre la mort de la fille à la fin, peut-être, mais... Oui, mais surtout qu'en fait, ça retire tout le côté dramatique du film si on l'enlève au début. C'est et ça. Puis, clairement, je pense que... certaines personnes auraient pu comprendre que c'était des flash-forwards s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu en fait justement ce flashback. Ça rendait l'astuce plus crédible et elle marchait mieux tout simplement. Ouais. Mais au-delà de ça, juste le système utilisé de langage du coup alien dans le film est assez fascinant. J'ai bien aimé l'idée qu'ils ont trouvée donc à base de comment dire, c'est les ondulations, c'est ça à peu près sur les cercles. C'est sur des cercles. Je trouve ça vachement créatif et je suis étonnée d'apprendre que ça vient d'un roman à la base, donc je me demande comment il a montré ça, peut-être qu'il a mis des représentations dans le roman. Je trouve ça fascinant, c'est cool. Voilà. Alors c'est plutôt l'idée des scénaristes apparemment en fait, donc l'adaptation, Ted Chiang en fait a accepté donc de voir Denis Villeneuve réaliser l'adaptation. Notamment parce qu'il lui a proposé un truc avec des explosions, des meufs et tout, malheureusement. Il y a des explosions et des meufs. Ouais, mais elles ont des grosses combis, on voit pas les miges. Putain. Bah, à un moment, la voix se déshabille. C'était le point beauf. Alors, mais non, mais en fait, du coup, je sais plus ce que j'ai dit, j'ai pensé aux miches, ça m'a... Voilà, non mais donc en fait il leur a montré le film Incendie de Denis Villeneuve qu'on a tous vu autour de cette table, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Et donc il a accepté à cette condition que c'était pas un film d'action traditionnel, un film de science-fiction traditionnel, mais en tout cas les deux scénaristes ont fait des modifications, les ont montrés donc à Ted. Et pas l'ourson. Et putain, c'est mal. C'est sa faute. Et il a confirmé. Il a fait quelques petites modifs et tout. Donc c'est plutôt. On n'a pas lu le livre, hein, malheureusement. N'est-ce pas? Mais bon. Je pense que donc c'est plutôt les scénaristes. Voilà. D'accord, non, mais. Vraiment, l'idée du. Je sais pas à quel point. En fait, ça pose aussi la question. Après avoir vu le film de façon sur la forme, comment une équipe de scénaristes crée tout un langage pour une œuvre de fiction? Rien que ça. Après, ils se sont peut-être pas fait chier à le créer. Ils sont partis sur la base de faire une écriture logographique. Ah ouais, mais déjà, rien que l'idée, forcément, de créer un nouveau code, C'est quelque chose qui demande de la recherche, surtout un code qu'on pourrait trouver tangible comme écriture alien. Après, c'est vrai que je savais pas que les xénomorphes écrivaient des trucs. Non, mais... Parce que fallait que ce soit détaché de notre écriture, fallait que ce soit détaché de notre écriture pour qu'on arrive à voir que c'est vraiment un code étranger. Et c'est comment tu représentes un code qui n'est pas humain. C'est vrai que pour reprendre ce que tu dis, il y a certaines œuvres de science-fiction où ils ont fait des écritures logographiques. Mais qui ressemblait plus à du kanji. Donc ils prenaient quelque chose, un symbole comme un kanji, en rajoutant en fait des petites lignes, des traits, etc., ouais, pour montrer que c'était des pronoms ou des choses comme ça. Et donc qui globalement, en un signe, ça faisait une phrase. Donc c'est le même principe que cette écriture-là, mais c'est vrai qu'eux sont carrément amusés à faire une écriture non linéaire, donc ouais, même pas en ligne droite qui... Je pense qu'il faut briser la linéarité qui se retrouve dans à peu près, sauf si je dis des bêtises, dans la plupart des langages occidentaux ou orientaux, pour partir sur ce côté étranger, vraiment. C'est parce qu'on est des humains, on aime en fait ce qui est carré, notre cerveau aime ça en fait. J'aime le carré. En fait, c'est juste que ne pas lire sur une ligne, c'est quelque chose de très compliqué pour les humains. Mm. Donc, pourtant, on a deux yeux. Oui, mais sur la même ligne. Ouais, voilà. Non mais si, si. Techniquement, c'est peut-être justement parce qu'on a deux yeux, parce qu'ils sont obligatoirement sur la même ligne, même si on les met comme ça fait comme... Alors que nous, on fonctionne par paire, les humains, donc on a deux oreilles, deux yeux, deux jambes et tout et tout. Et les... Justement, toi aussi, t'as deux... c'est des dedans, ouais, j'en ai deux, je suis content. Et justement, les extraterrestres, eux, ont plein de membres, et ce qui explique aussi peut-être pour. Voilà. Ils en ont plein, ok. Ce qui explique aussi peut-être leur facilité à lire peut-être plus de trucs en même temps. Bah ça, mais si on avait qu'un seul œil au milieu du front, c'est pas sûr que tous les humains seraient partis sur une écriture linéaire. Mais si on en avait un, je sais pas, sur le front et dans le dos, ce serait très pratique à vélo d'ailleurs, mais... Et aux toilettes. Quoi? Merci. Mais, et n'hésite pas à intervenir dès que ce genre de truc te vienne à l'esprit. Je suis vraiment désolée. Et je voulais juste pour te dire, toi, Val... Je suis en train de me faire l'image mentale. Je suis vraiment désolée. Je vous apporte à tous beaucoup de bonheur. Merci. Merci, Val. Merci. Une petite, petite voix. Ta voix du caca. Antonin est pas là, il y a Val qui prend sa place. Mais oui, mais voilà. Je sentais que c'était mon devoir spirituel de prendre ça. Tu le sentais, ça poussait, c'était là quoi. Non, mais... Mais t'as fort filé. Mais allez, c'est bon, fort. Pourquoi c'est toujours le caca qui nous fait exploser de rire, ça bon. Parce que le caca ça fait toujours rire. Mais oui, c'est comme ça, tu tires mon doigt, prout, voilà, c'est un chef-d'œuvre, Oscar. Chef-d'œuvre. Sculpture humaine, c'est... Les voilà. Octopodes peuvent pas comprendre. Voilà, exactement. Eux ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas, voilà, ça. Ils connaissent pas, je sais pas. Bigard. Bon, putain, tu savais que je cherchais un bigard. Non, mais juste moi pour te dire, qu'on parlait. Moi, pour moi, c'était aussi un film, tu disais plein de thèmes. Je rajouterais, moi, celui du thème de la mère, la maternité, la difficulté aussi d'être mère. Et Amy Adams, quand. Anecdote. quand elle a appris. Enfin, quand elle a reçu le script et tout, elle voulait faire une pause pour se consacrer à son rôle de maman. Son rôle, en clair, elle voulait être tranquille avec son enfant, et à ce moment-là, elle a vu le film, et du coup, je pense que ça a dû quand même beaucoup la toucher. Elle a lu le script, ouais. Yeah. Ouais. Donc voilà, bim, j'ajoute un petit peu une petite pierre sur l'édifice de ce thème, moi, qui me tenait à cœur, parce que je trouve que déjà la féminité en général et la maternité sont deux choses très intéressantes. Qu'on ne pourra jamais connaître, n'est-ce pas? Oh, tu sais, quelques opérations. Ah oui, et un petit ventre rond, un petit peu de bière, et voilà, on est enceinte. Mais quelque chose qui nous avait marqué aussi avec Seb en sortant de la salle, c'était le fait qu'on était un peu déçus par le Deus Ex Machina, entre guillemets, l'espèce de boucle qui résolvait la situation à la fin à base de vision du passé, vision du futur, pardon, qui influe sur le passé qui lui-même. Oui, j'en avais parlé au début, que beaucoup de gens avaient l'impression qu'il avait triché et de s'être fait avoir. Et ce sentiment était tellement désagréable que finalement il détestait mais le film. Mais je pense que ça m'a pas gêné. C'est des gens qui sont pas habitués au ça m'a pas gêné sur l'histoire avec sa fille, mais ça m'a gêné sur l'histoire du coup de téléphone. Ah, sur la résolution de trucs avec le président chinois. Ça m'a pas gêné, je sais pas pourquoi, mais. En général. C'est. Ouais. Oh, c'est général là-bas. C'est la même star. Attention, flash info, Abe a fait tomber son chocolat chaud et sa saucisse de Roquefort sur... Non mais merde, pardon. De Francfort, pardon. sur le clavier, ça a tout fait capoter. Désolé, il y a un petit coupure montage. On parlait de général chinois juste avant et on enchaîne. Pas de président Non, c'est un général en fait. Alex me corrige. Donc on parlait sur le fait qu'il y avait un Deus Ex Machina qui gênait beaucoup de gens. Parce qu'en fait, c'est... il y a deux paradoxes possibles. Soit c'est le paradoxe de l'écrivain, on va reprendre l'explication, où il y a quelqu'un qui revient dans le passé avec le livre, on va dire, du Seigneur des Anneaux, et le problème, c'est qu'il est dans le passé, donc il faudrait au moins 10 ans avant que Tolkien écrive le Seigneur des Anneaux. Il s'est dit, ah bah tiens, hey, je vais lui filer son propre bouquin, comme ça il le publie sous son nom, puis c'est bon. Sauf qu'on se retrouve dans un cercle où Tolkien n'a jamais écrit son livre. Oui, mais il l'a quand même publié. Non, on lui a donné. Il n'a publié que l'histoire qu'on lui a donnée. L'histoire qu'on lui a donnée dans l'histoire que le gars avait dans le livre. Donc, personne n'a jamais écrit l'histoire. Ça, c'est le paradoxe de l'écrivain. Là, c'est ce qu'on peut avoir sur le fait que... J'aimerais avoir tête. Bah, elle apprend ce que lui dit le général chinois, et le général chinois ne lui aura dit que parce qu'elle lui aura dit à la base dans le passé. Donc là, on serait dans le paradoxe de l'écrivain, où en fait, cette boucle est apparue de nulle part. L'autre problème, c'est le paradoxe de l'amnésique. C'est que quand elle lui parle dans un flash-forward, il dit « grâce à vous, tout a été évité ». Et dit « ah bon, grâce à moi, elle ne sait pas que c'est elle qui a tout évité ». Sauf que c'est son passé où elle l'a fait. Donc ça veut dire que... Elle du passé, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc elle est censée savoir qu'en fait... Bah... Mais c'est parce qu'en fait, dans le flash-forward, on a plus l'impression que c'est pas vraiment un flash, justement. C'est une téléportation temporelle. Sa conscience est justement téléportée dans le futur. C'est ça. Ça voudrait dire qu'en fait, elle peut autant, entre guillemets, vivre dans le futur. Et ça, par contre, c'est un peu plus étonnant, mais ça fait que c'est pas forcément un Deus Ex Machina. Mais ça doit genre être horrible. Genre, je sais pas, dans 10 ans après, elle va à la poste, elle fait... oui, du coup, je vous disais, qu'est-ce que je fais là ? Donc après, tout à fait, je pense que... Non, mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui a déjà été travaillé, mais j'ai oublié par... Ah, je sais. En fait, c'est l'écrivain Bernard Werber qui en parle dans certains de ses livres en disant que le temps, ce n'est pas nécessairement en fait une progression de cause à effet, mais en fait, c'est plus une superposition d'événements, en fait, comme si tous les événements passés et futurs, et présents donc aussi... Ça avait lieu au même moment. Et donc, en fait, c'est comme si elle avait possibilité d'avoir conscience de tous ces moments, entre guillemets, à volonté. Mais il y a un autre principe aussi qui est très intéressant. On revient sur le langage, en fait. C'est qu'elle part d'une théorie, et le film entier part de cette théorie, que ta manière de penser est orientée par ton langage. Et je sais que, Alex, tu voulais rebondir sur ça, quoi. Alors, c'est l'hypothèse de... Frankfort, c'est la saucisse de Frankfort. C'est le rock. De Roquefort, oui. Mais c'est vrai, j'avais lu des articles comme quoi, donc quand t'apprends une nouvelle langue, tu penses différemment, tu peux réagir différemment de comment tu réagirais du coup en français, par exemple. Et d'ailleurs, Amy Adams a... J'aime les tentacules. Quoi? Pourquoi? J'apprends le japonais. Ah d'accord, mais Amy Adams, elle a travaillé avec un linguiste, justement. Un linguiste? Un linguiste, oui. Oh, elle est maman, ok? Respect. Vas-y Alex, pardon. Non mais c'est pour dire qu'il y a un truc qui est assez amusant d'ailleurs. Alors, il part de l'hypothèse de... J'ai oublié Worf... Sapir-Whorf. Alors, pardon, répétez-le bien dans le micro s'il vous plaît. Il parle de l'hypothèse de Sapir-Whorf. D'accord, qui est un Pokémon sur... C'est exactement ça, c'est un Pokémon linguiste qui peut lancer l'attaque Xelang. Bah oui, Xelang, c'est un Pokémon, Xelang. Et donc, en fait, cette hypothèse, c'est que le fait qu'on apprend une langue peut changer la façon de penser. Alors, il a été prouvé que c'était pas aussi violent que ça maintenant, mais que ça pouvait vraiment avoir des petits changements cognitifs mesurables. Genre, par exemple, une personne peut être un peu plus nerveux ou agressif dans une langue que dans une autre. Ne serait-ce que parce que la langue a une façon d'être dite plus sèche, plus rapide ou autre. Mais dans ce cas, c'est plus propre à la langue qu'à la personne qui la parle. Oui. Justement, il me semble en fait qu'il y a des études qui ont été menées pour montrer qu'en fonction de la langue qu'on parle, donc notre langue natale, notre façon d'appréhender le monde est différente. Alors ça, si c'est la langue natale, c'est peut-être plus culturel que... Mais c'est plutôt les valeurs transmises dans lequel... le pays dans lequel t'es. Ben, c'est le genre de choses en fait qu'on peut mesurer par lorsque t'as des langues qui sont parlées différentes, enfin qui sont parlées à plusieurs endroits du monde, comme l'espagnol, l'anglais. Ouais, mais les Anglais, les Australiens et les Américains se ressemblent pas, et même les Américains entre eux sont très très différents. Mais je parle pas en fait de justement de la culture, mais vraiment de la façon, par exemple, si on met des personnes devant des chiffres ou devant des, en gros, leur manière de compter, leur manière de, par exemple, si on les met devant une image, certaines, apparemment, ça, je me souviens plus du tout du nom de cette recherche, mais je l'avais vu ça justement, sur, il me semble que c'était sur I Fucking Love Science, qui montrait justement que les personnes qui parlaient anglais avaient tendance, par exemple, à plus facilement repérer certains chiffres que d'autres. Enfin, malheureusement, il y a beaucoup trop longtemps que j'ai vu ça. Donc, je ne peux pas du tout être précis. Donc, on va considérer que c'est une rumeur. Non, mais ce n'est pas impossible. Bah, ouais. Ça a été, on va dire, battu en brèche, la théorie en question, on va dire, au sens large. C'est, ça ne change pas la façon de penser globale, mais ça a été vérifié, parce qu'ils ont pu vérifier ça de manière quantifiable, que ça modifiait certains petits paramètres. Eux sont partis du fait que l'hypothèse était très vraie et que sur une langue complètement différente, ça pouvait changer même la perception. Enfin, sur une langue, justement, la langue étant non linéaire, ça pouvait changer la perception linéaire du temps. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont dit, allez, on va dire que c'est vrai. Quel postulat de tout film de SF. Alors, sachant qu'en plus de ça, bah, ouais. Le temps est une boucle. Ah, c'est pour ça que c'est circulaire. Là, ils le disent pas. Et justement, je me demande d'où viennent ces dessins, parce qu'ils sont très beaux, et on dirait plutôt le travail d'un artiste contemporain, en fait. Ou même, un travail d'un japonais encrier, enfin non, comment on dit, qui fait de l'estampe. Calligraphiste, merci. Mais juste pour rebondir, vous parliez d'apparence, du langage, en tout cas, il y a aussi l'apparence des aliens, qui est assez sympa. Et ça, c'est Carlos Huante qui les a réalisés. Il avait travaillé aussi sur Prometheus. Mais en tout cas... Il a fait un peu plus d'efforts que sur Prometheus. Hein, moi, je trouve que le design est cool dans Prometheus. Peut-être parce que c'est Giger qui a fait d'abord... Tu veux dire les grands bodybuilders blancs? Ah oui, j'aime beaucoup les grands, surtout quand ils s'appellent Johansson. Mais en tout cas, c'était des marionnettes sur le tournage pour que ce soit un peu plus cool pour les acteurs. Voilà, ouais, exactement. Et ça devait être stylé à regarder, je pense. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont une forme vraiment cool. D'avoir la surprise de découvrir qu'ils ne sont pas juste les espèces de mains, mais qu'il y a un autre bout en plus, ouais. C'est assez cool. C'est très stylé, très mystérieux, et j'ai vraiment kiffé leur design. C'est pas comme dans Signe, où ils sont moches. Pas vu. Ah, surtout dans Signe, ils sont encore anthropos. Voilà, ils sont anthropomorphiques. Alors c'est que... ça, c'est des humains verts. Et alors que c'est complètement. Enfin, je veux dire, les mecs qui débarquent, c'est absolument pas la même gravité. Comment ils. C'est les substances aussi dans leur atmosphère sont complètement différentes. Comment, alors, ça, comment tu veux. C'est une des triches. Il y en a, je crois qu'il y en a 3-4 dans le film, c'est une des triches qu'on a aussi. C'est qu'à un moment, Amy Adams est. Dans leur atmosphère. Ah oui, c'est ouais. Ce que j'ai. Et elle peut respirer. Alors, on voit qu'il y a effectivement que l'atmosphère doit être très très dense parce qu'elle a du mal à respirer et que ses cheveux, on va dire, tombent au ralenti. Ouais. Donc on peut en comme dans l'eau. Ça, donc on peut en déduire que l'atmosphère est très très dense, mais après, visiblement, elle semble en fait pas... qu'il y a une légère modification de l'atmosphère à ce moment-là parce qu'au début, elle est en train de s'étouffer. Mais peut-être les aliens qui lui, comment dire, la protègent, lui insufflent un souffle. On sait pas. Ça fait trop longtemps que j'ai vu le film, mais il me semble que, en tout cas... Quand tu l'as pas revu pour l'émission au début, elle est en galère, mais en fait, elle est en galère plusieurs fois. Enfin, sans qu'il le montre. Donc, on sait pas si c'est qu'elle s'habitue à respirer une atmosphère super dense ou... Mais c'est vrai qu'ils sont quand même, dans ce film, ils ont fait l'effort de s'éloigner et d'éviter l'anthropocentrisme, en fait, de par, du coup, la forme de l'écriture, de par la représentation des aliens et même la représentation du vaisseau, même si c'est un choc à pic géant, je suis d'accord. Alors, en fait, c'est inspiré d'un astéroïde. C'est vrai? Ouais, voilà. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en regardant... C'est vraiment la forme d'un choc à pic. En regardant le vaisseau d'un point de vue humain, c'est pas pratique. Enfin, non, ça nous semble pas pratique. Je suis désolé, quand ils sont arrivés, ils ont fait « C'est fort en chocolat !» Non, mais même l'image qu'on a, qu'on imagine ce que c'est au toucher, ouais, c'est un choc à pic, très clairement. Ouais, carrément. Au toucher. Personne n'arrive à rebondir après. Mais... le choc à pic est trop puissant. Mais oui, c'est ça. Il y a un truc qui est marrant sur la façon de parler, c'est leur... à défaut de meilleurs mots, enfin des meilleurs mots, on va utiliser le mot encre, la façon dont ils écrivent. Parce que je me souviens qu'au début, quand j'ai vu le film, je m'étais dit, c'est marrant parce qu'en fait, ils peuvent projeter un truc sur, sur l'espèce d'écran pour écrire. Sauf qu'en fait, quand Amy Adams rentre dans leur atmosphère, c'est de la fumée. Ouais. Ils le font ils le font littéralement en 3D. En 3D. Ouais, ouais. Ce qui veut dire que c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la capacité de... Spider-Man. C'est ça, d'expulser quelque chose... et de lui donner une forme. Alors après, à savoir est-ce que c'est technologique ou est-ce que c'est vraiment naturel. Peut-être que c'est en rapport justement avec l'atmosphère. Moi, j'ai vu, c'est ce que je me suis dit, c'est vu que l'atmosphère est plus dense, ça peut rester... Mais après, comment tu écris ? Ça permet à des molécules de rester en l'air, d'être contrôlées par la pensée, enfin des idées comme ça. Ouais. L'idée que ce soit contrôlé par la pensée, c'est aussi ce que je me suis dit, parce qu'il y a un moment où il y a Amy Adams qui touche le mur de séparation. Ouais. Et qui arrive à écrire, c'est-à-dire la créature balance de l'encre, mais elle réussit à écrire. Comme de l'encre magnétique un peu. C'est ça. Ouais. Et c'est là où on peut se dire que, a priori, c'est une espèce de substance psychoactive. Et je trouve ça assez amusant parce que quand on se demande d'où ça vient dans l'évolution des extraterrestres. Est-ce que c'est de la technologie ou est-ce que c'est une époque où ils avaient un venin ou un truc comme les poulpes pour faire fuir les adversaires puis qu'ils sont mis à écrire? Ça a l'air plutôt inné, je pense. Ça a pas l'air d'être un outil qui se sont ajoutés. Moi, ils me font énormément penser justement des poulpes, naturellement. Enfin, Des pieuvres. Des voilà. Octopodes, c'est ce que je disais, des octopodes. Mais en fait, c'est. Il y a. Comment ça, je sais pas si vous savez, mais apparemment, la pieuvre, c'est un des animaux les plus intelligents sur Terre. Et le truc, c'est que si les pieuvres étaient capables en fait, de transmettre leur savoir à leurs gosses, il se pourrait qu'actuellement, les pieuvres dominent la Terre. Sauf que ce n'est pas le cas. Et en gros, c'est comme si ça me fait un petit peu... c'est comme si on disait, bah oui, globalement, les pieuvres, elles auraient évolué, elles seraient devenues comme ça. Carrément. J'aime bien l'idée. Bien que les pieuvres ne jettent pas d'encre, rappelons-le, ce sont les sèches qui font ça. Merci. Tu nous as séché. Et pour les dessins en fait de l'écriture, ils se sont inspirés en fait de Martine Bertrand, donc certainement une française pour c'est ce qu'elle a fait en fait. Donc voilà, le réal il voulait un truc un peu mystérieux, un truc qui n'a jamais été vu, et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Oui. voilà, le temps de... Alex, t'as encore quelque chose à dire? Tu regardes tes notes? Non, mais c'est pour réagir au final. Mais... le problème, c'est qu'il y a tellement de choses dans ce film, vu qu'il y a vraiment plusieurs domaines. On peut discuter au niveau de la SF, de la gestion du temps. On peut discuter au niveau de la linguistique, même au niveau de la philosophie. Donc c'est pour ça qu'il y a... Justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le destin, je disais que moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que pour moi, c'est pas une question de... les choses sont obligées d'arriver, mais plus une question d'accepter le fait qu'elles arrivent. C'est dans le sens, elle sait que ça va arriver, elle a la possibilité de l'éviter. Et elle choisit. Et elle choisit de ne pas l'éviter. Pareil, je vois un peu plus comme ça. Parce que, au final, l'histoire d'Oedipe, ça, c'est ils choisissent d'éviter le destin, et en choisissant de l'éviter, ils l'accomplissent donc. Oui, mais là, justement, en fait, c'est qu'en gros, elle aurait pu simplement... on le sent, en fait, lorsqu'elle découvre que c'est Jeremy Renner, son compagnon, à ce moment-là, elle sourit et elle attrape sa main pour, justement, montrer comme qu'elle accepte qu'elle elle aurait pu, justement, ne pas... C'est ton destin. Pendant tout le temps, quand même, elle reste assez distante avec lui. Il se rapproche, mais sans pour autant... C'est là, elle accepte et elle est en mode « Ah, c'est ça, mon futur, j'aime bien !» Et la question, c'est est-ce qu'elle a l'impression qu'elle a le droit de le refuser? À aucun moment, elle se dit « J'ai peut-être pas envie » et autre. Attends, on ressent la chanson de Val, « Le consentement, c'est sympa !» Les mains et les doigts. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, à aucun moment, il n'est dit qu'elle sent le fait d'avoir le choix. C'est quelque chose qui est fait, qui a déjà été fait, donc elle le fait. Et c'est pour ça qu'elle explique que lui l'a très mal pris, parce qu'elle l'a fait alors qu'elle savait tout ce qui devait se passer. Mmh. Ouais, c'est une trahison dans tous les cas. C'est ça. Pour moi, en fait, c'est vraiment plus une question d'acceptation, parce que, en gros, elle veut quand même avoir sa fille, parce qu'elle sait qu'elle va avoir connaître énormément de bonheur grâce à elle. En fait, elle préfère se concentrer sur tout ce que la fille peut lui apporter, tout ce que sa fille peut apporter au monde dans le laps de temps qu'elle y sera, plutôt que sur le moment de sa perte. Et elle accepte justement de vivre ça. Et c'est ce que lui reproche son mari. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. En fait, les deux sont carrément concomitants. Parce que dans l'idée qu'il y a un destin, tu peux choisir de lutter contre le destin ou de l'accepter. Elle a choisi de l'accepter, mais à aucun moment, c'est pas vu que tout est écrit dans le marbre. Ouais, c'est-à-dire, si elle avait... C'est les deux, c'est valable. Est-ce que ça peut se demander si elle avait refusé, est-ce qu'elle aurait quand même pu refuser ? Je vois l'idée. C'est-à-dire, par exemple, on se disait aussi... à la limite, elle aurait pu accepter d'avoir sa fille. Et bon, parce que je sais plus, ça, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a vu le film, mais est-ce que c'est vraiment un cancer que sa fille a, je suis plus sûre, ou juste une maladie On sait pas. Et on s'était dit, bon, vu que c'est peut-être un cancer, bah ça, du ciel le sait, ça se prévient un petit peu plus tôt. Elle lui mais dit, au final. Mais elle lui dit de manière détournée, à un moment, quand la fille est petite, elle lui dit qu'il y a une maladie, que. Enfin, pourquoi le père s'est éloigné. Ouais. Parce qu'il lui a dit un truc horrible que. Quelque chose qu'on ne pouvait pas arrêter, un peu comme toi. Ouais. Et donc elle lui dit clairement, quand elle a 6 ans, que de manière cachée, pour que la gamine ne comprend pas, mais pour que nous on comprenne qu'elle va mourir. Ouais, peut-être qu'elle aurait pu... Enfin voilà, on se dit, mais peut-être qu'elle aurait pu, entre guillemets, éviter que la maladie prenne autant de place chez la fille, alors que peut-être bah, c'est juste pas possible au final. Bah là, c'est pas possible. Ouais, elle, c'est déjà inexorable quand sa gamine a 6-8 ans. Ouais. On va tous pleurer. Ah oui, c'est le moment. Surtout que c'est un des trucs les plus horribles au monde. Mm. Je vais juste, en tout cas, conclure avec le fait que la fin elle-même a été modifiée à cause d'Interstellar. Et c'est tout à fait vrai, en fait. Notamment parce que donc à la base, c'est pas un livre adapté, c'est une nouvelle, plutôt. Mm. Donc c'est plus court. Et c'est... Là, c'est compliqué parce qu'on est obligé de spoiler Interstellar. Ah, merde, d'accord. Non, ok, on va pas le faire. T'as raison. Moi, je suis vachement. Mais dans tous les cas, en tout cas, ils ont dû modifier. Et c'est vrai que personnellement, moi qui ai adoré Interstellar, j'ai pas retrouvé du tout la même claque dans Seul sur Mars, qui pour moi est pas. Seul sur Mars, c'est une avance. Ouais, c'est beaucoup plus rigolo. Oui. Alors que là, tu retrouves le même chose de voyage, d'apprentissage et à la fin de waouh. Alors juste Seul sur Mars, Chocapic. C'est un nom de merde dans la traduction française parce que la base c'est The Martian, le martien, ce qui est littéralement dans le film ce qu'il dit un moment, c'est ah je suis le premier à faire pousser des plantes sur Mars, donc théoriquement je suis un martien. Parce qu'au final il a jamais été seul. Il est arrivé 3 jours après, il y avait déjà des mecs qui lui répondaient, qui lui envoyaient des messages. C'est quand même un des meilleurs films pour la meilleure simulation de « Et si la NASA avait du budget ?» Avait le même budget que l'armée américaine. Il était très bon dans son style, vraiment. Techniquement, ce qui s'est passé dans le film est complètement possible. Enfin, on a la technologie pour le faire. Non. Si. Et maintenant qu'on a Elon Musk... On va pouvoir le faire. Musk for the win. Ouais, mais déjà, tu prends, c'est combien là actuellement, on passe 2 ans dans l'espace pour aller sur Mars. 6 mois, c'est quand même beaucoup, tu vois. Après 6 mois, le plus grand séjour dans l'espace, il me semble que c'est plus d'un an. Oui, mais je veux dire, comment tu fais pour arriver sur une planète sans aucune assistance, alors que tes os se fissurent? Ton rythme cardiaque peut à peine supporter des mouvements, puisque t'as vécu en gravité zéro pendant 6 mois. Ouais, mais l'avantage, c'est que Mars, c'est cool pour ça. Arriver de la Terre jusqu'à Mars, c'est la partie cool. Ah, c'est déjà plus facile. Mars, c'est ça. Mais c'est quoi ? C'est 80% de la gravité Ça doit être ça. J'imagine. Je crois que c'est 0,9. Ça va être le retour qui va être violent, par contre. Effectivement, le retour. Normalement, sur Mars, c'est un aller simple. Pas nécessairement. Avec notre technologie, le but c'est non. Tu peux pas le faire. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement, mais c'est-à-dire que les mecs qui vont y aller, ça va pas être on se pose, on met un module, on repart. On fait des patates. On se pose, on met un module, puis il y a une autre équipe qui se pose qui met un module, puis une autre équipe qui se pose qui met un module, puis au bout d'une dizaine d'équipes, il y a de quoi installer un module qui peut permettre de récupérer une fusée qui croise au large de Mars. Pour pouvoir remporter, par exemple, ce lot de gars en déposant d'autres, ce qui fait que c'est quelque chose qui se voit à très long terme. Et c'est ça le problème, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, comme on pense tellement individuel, c'est dur d'imaginer des gens qui vont devoir, entre guillemets, se sacrifier, parce que quelque part, ils vont perdre 10 ans de leur vie, 20 ans de leur vie. Voilà. Quelle ambiance. Ils vont devoir sacrifier une partie de leur vie pour que petit à petit puisse y avoir un petit labo, puis une station, puis une ville. Surtout que c'est obligatoirement des personnes, elles feront obligatoirement partie des personnes les plus brillantes qu'on a sur Terre, parce que c'est pas n'importe qui qu'on envoie dans l'espace. Et c'est vrai que la science a ça de bien que c'est pas du tout individualiste, c'est un but commun. Et il y a des gens, mais même pas des scientifiques, qui, quand il y avait eu l'espèce de site qui était sorti, où il y avait des gens qui avaient accepté de se sacrifier en sachant qu'ils y resteraient. Ils voient pas ça comme un sacrifice, je pense. C'est ça, c'est l'aventure de leur vie. Honnêtement, il y aurait eu Wi-Fi sur Mars, moi j'y vais. Sans problème. Ouais, t'as 8 minutes de délai, c'est tout. T'inquiète, ça va, sinon c'est vrai. C'est vrai que quand on y réfléchit, il faudra, je crois, c'est 1000 ans avant que Mars soit habitable sans casque, sans rien pour la terraformer. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas des gens qui pourront y vivre de manière plutôt cohérente, puisqu'il y a du soleil, il y a une atmosphère super légère, mais il y a. C'est pas l'environnement de la Lune. Je sors, c'est fini. Il y a moyen d'y survivre un peu. Et surtout, la gravité est suffisamment forte pour pas se taper tous les problèmes physiques qu'un séjour en station spatiale apporte. Implique, ouais. Mais n'empêche que ça répond toujours pas à la question, putain, comment ils font pour arriver et pour se tenir debout sur Mars et pour résister aux radiations pendant un si long séjour et revenir. Et c'est beaucoup de questions qui méritent d'avoir des réponses, et c'est ça qui est passionnant, moi, je trouve. Tout dépend de la durée du voyage, en fait. Pardon ? Tout dépend de la durée du voyage. Oui, et justement, du coup, ça dépend. Alors, quel moteur on a ? Est-ce que, du coup, donc, on peut protéger peut-être des radiations, mais du coup, ça va demander beaucoup plus de poids sur le vaisseau. Du coup, comment on fait pour transporter, puis pour atterrir, pour repartir ? Et c'est plein de questions. De station lunaire, en fait. Oui, oui. Mais globalement, il faudrait qu'on lance les vaisseaux spatiaux depuis la Lune. Mais moi, je parle pas des solutions. Je parle des problèmes qui sont super intéressants, parce que tous ces problèmes, ça va demander à énormément de personnes brillantes de travailler dessus et qui vont apporter des solutions à la Terre. Et c'est vrai que la NASA, c'est l'industrie qui a le plus gros rapport sur investissement au monde. Genre, là, c'est... Tu mets $1 à la NASA, je crois que ça en rapporte 10, je sais pas, aux Américains, je sais plus. Enfin bref, c'est cool. Et s'il n'y avait pas la NASA, t'aurais pas d'iPhone, de GPS, de couche culotte. Merci la NASA. Ouais, et merci AstronoGeek pour sa super vidéo qui en parle. Donc tous les trucs dont t'aurais besoin, des combinaisons pour les malades pour réguler leur température, des couches culottes, je l'ai dit, mais c'est très important, sincèrement. Sans ça, tu ne vivrais pas. Non, personnellement, je me vis. Ça irait moins facilement, surtout pendant le podcast. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que quand Mars va commencer à être colonisé, a priori, la planète Terre va vite passer pour une planète de débiles, puisque sur Mars, il n'y aura pas un seul mec qui n'est pas un scientifique... Qui n'est pas là par hasard. Yes, comme l'Antarctique. Ça me fait penser un petit peu, justement, à la très très bonne série de RDSF, The Expanse. Ah, moi, je pensais à autre chose. En fait, qui parle justement de... En gros, on a découvert un moyen de voyager très très vite dans l'espace. Et le vélo. Le vélo binaire. C'était nul. En fait, donc, il y a la Fédération Terre-Lune, il y a Mars, et il y a la ceinture d'astéroïdes, en fait, les ceinturniers. Et globalement, il y a plus ou moins une guerre froide entre Mars et la Terre. Et les Martiens considèrent justement que les Terriens sont des assistés, sont des personnes qui sont relativement stupides parce que, en fait, sur Mars, c'est une organisation assez militaire parce que tout le monde va pour un but commun, la terraformation de Mars. Alors que sur Terre... Tout le monde m'a recommandé cette série, il faut que je la regarde. Mais moi, j'ai surtout pensé, putain, ce sera Cowboy Bebop. Trop bien. Ah putain, trop bien. Merci. Je recommande aussi cette série, hein. Franchement, elle est top. La voix de Secret Story. Oh putain, mais non, c'est la petite voix dans Jamie Fred. Merci la voix. Merci à vous, surtout, d'avoir participé à cette émission. C'était très intéressant, vraiment. J'espère que vous avez apprécié, vous, les auditeurs, toi, Jean-Rémy et Gaspard, les deux seules personnes qui écoutent. on pleure. Attends, je ramène la chanson triste. Hello, my old friend. Ah oui. Non, je vais plutôt passer une chanson de René Aubry, qui est un guitariste, enfin je pense que c'est un guitariste, en tout cas c'est un compositeur absolument génial, qui a sorti une chanson très très sympa. Et bah voilà, on va se quitter sur ça, mais en attendant on va dire au revoir et merci. Donc merci à Sub. De rien, ça fut un plaisir. Val. Merci beaucoup, de rien. Allez, la petite voix, la petite voix. Bye bye. Et Didi, enfin. Salut. Salut. Sur la foutue fin. Et merci énormément Alex d'avoir fait ta première émission de On se dit quoi avec nous. On espère que tu pourras revenir si tu veux. C'était cool. Et tu peux nous dire où on peut te retrouver, quelque chose, si t'as un site, si tu fais des concerts, si tu vends des trucs, du tricot, je sais pas. Vous ne me retrouverez pas. Jamais. C'est moi qui vous trouverai. Voilà, sur ces jolis mots, regardez dans vos placards et on vous dit gros bisous. Ciao, ciao.